Geoffrey, ta journée s'est bien passée? Super, en repos, balade, plage, collation à 4 heures. Ils arrêtent pas de bouffer, eux. Toutes les photos et vidéos qu'ils envoient, ils bouffent. T'as entendu collation? Collation, collation. T'as bouffé, ouais. T'as pas arrêté de bouffer, ouais. J'ai vu sur Snap, vous avez mangé une gaufre. Ouais, ouais. Le mec, il fait 30 degrés dehors, il bouffe une gaufre. Ouais, franchement. On avait la dalle. Tu peux faire une glace, bon, on prend une glace, il y a en parlant de boules. Moi j'aime pas les boules, j'étais manger une glace à deux boules à la plage. J'étais mangé une glace à deux boules à la plage. C'est vrai? Ouais. Quel parfum? Vanille et. Et noix de coco. Vanille et fraise. Et praliné. Vanille et fraise, avec un petit peu de chocolat dessus. Et Alison? Pareillement. Elle a bouffé une gaufre aussi. Elle. Voilà, gaufre aussi. Gaufre à quoi? Vous avez bouffé une gaufre à quoi? Chantilly. Si. Ah. C'est dégueulasse. C'est vrai. On a pensé à toi, Juju. Ah ouais. J'ai pensé à moi, parce que moi. Bon, soyez bienvenus. En tout cas, on est là jusqu'à 23h pour les débuts de la Libre Antenne. Dans moins de 3 minutes, ça sera déjà le premier coup de gueule de Jojo. Parce que je peux il vous n'aura dire qu'un. Je peux vous... Heureusement qu'il n'a pas 36, ce coup de gueule de Jojo. Ça n'aura pas fini. Hier, c'était sur Affilié entre Nord. Ce soir, qu'est-ce que ça va être sur surprise. Hein, surprise. Surprise, surprise. Black M, je suis chez moi. Bienvenue, 21h09. On est là jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne, welcome. Bonne soirée. Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les ailes. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non, peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Allez, bonne soirée, le son de Black M à l'instant, je suis chez moi. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mixplore. Allez, bonne soirée en tout cas, merci d'être avec nous là, passez la soirée avec nous jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, hashtag évidemment sur Facebook, sur Twitter, il y a Ben qui est avec nous ce soir. Ouais, c'est moi. Il y a Jo qui est avec nous. Ouais. Il y a Jojo qui est avec nous. Oui. Et il y a Alison qui est avec nous, évidemment. Oui. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous. Bah d'ailleurs, on va démarrer cette émission à 21h12 avec le coup de gueule de Jojo. Alors ça va gueuler sur quoi ce soir? On t'écoute. Secret Story. Ah oui, d'ailleurs, on fera. Je te coupe, mais on fera aussi un petit parti foot ce soir. Il y a l'UEFA Europa League. Ouais. Évidemment, avec Nice notamment qui joue l'Inter de Milan. Ça sera Ben évidemment qui s'en occupera. On fera un point dans moins de 3 minutes. Alors, ça commence par quoi ton coup de gueule? C'est de la merde. Hein? C'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Bah, en fait, maintenant, ils sont tellement habitués à jouer qu'ils pensent déjà à dans quelle émission ils vont participer la prochaine fois. C'est vrai, franchement, c'est hallucinant. Tu parles de quoi? Les anges, bah, les candidats de Secret Story. Ah. Alors en plus de ça, ça arrive, ça baise, ça débaise, ça rebaise, ça fait que de baiser. Ça s'engueule, ça fait que ça. Ça fait à peine 2 semaines que c'est démarré. Ça, ouais. ça... En 2 semaines de temps, il y a déjà eu un bordel phénoménal. Quoi. Ça dure combien de temps ça? 2 mois, je crois. Bah ouais, mais le sexe, c'est le fond de commerce. Hein. Ouais, enfin, dans ces colonnes où on peut faire une sextape. Ouais, enfin, il y a sexe XS. Il y a une sextape. De qui? Jojo. Moi, ça m'intéresse, il y a l'isson dans le lot. Non. Non, mais c'est vrai, c'est de la merde. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi, vous. Mais ça a toujours été de la merde. Ça fait 10 ans que c'est de la merde. Carrément. Mais comme les gens, ils aiment bien regarder de la merde pour se vider la tête en rentrant du boulot, bah ça marche. Ouais, hein, mais. Enfin, moi, j'ai jamais rien vidé du tout. Hein. Après, c'est aussi pour le buzz. Hein. Enfin, le buzz. Non, le buzz. C'est parce et que toi, les gens. Alors, lui, il regarde pas du tout. C'est parce que les gens, ils sont commères. Ils aiment bien savoir ce qui se passe. Ah ouais, voilà. Ouais. C'est le côté voyeur. Ouais, c'est ça. Pourquoi il crie, lui, dans le micro? Je sais pas pourquoi il crie. On t'entend. C'est le côté voyeur. Ça fait un peu genre le truc genre un Joe peu. A envie de crier. Ça fait le truc un peu pervers, c'est genre. Faut que je vienne te mettre des gueules dans la chatte. Ça fait un peu ça. À part ce qu'on est les rubis fréquents. Imagine ma main qui te fouille la chatte. Ça fait un petit peu ça, pervers. Ça fait un petit peu vers ça. Non, mais c'est vrai, franchement, bah, je veux bien qu'on dise que c'est le buzz, tout ça, ceci, cela. Il arrive à un moment donné, c'est bon, quoi. Les secrets de merde aussi, quoi. Mais ils sont fake, les secrets, de toute façon. Mais apparemment, dans les trucs comme ça, c'est bien calculé, hein, les secrets story, machin, etc. Sur les buzz, là, tu sais, genre Nabila, quand oui. Il y a eu... Depuis ce temps-là, maintenant, il y a des mecs qui bossent sur des trucs, tu sais, des scénarios pour qu'ils disent la bonne phrase pour que ça fasse le buzz. C'est pour ça que je te parle hier qu'on a parlé de la fille de Turner. À mon avis, tout ça, c'est préparé. C'est un calculé. Buzz, de toute façon, c'était marqué. C'était tout de suite mis après, quand on a fini l'émission. Ouais. Tout de suite, ça avait déjà fait le tour du net. Hein, ouais, bien sûr. Quand on voit sa chatte, ouais, ok, mais... Donc le CSA a été quand même interpellé, le CSA, c'est très, très important. Un minimum, hein. On est fort à écouter, mais le CSA, oui, a été interpellé par rapport à ça. Okay. Voilà, quoi, c'est de la merde, la vérité, c'est de la merde. Il y a Kev, l'animateur, qui me parle, qui m'envoie un message, il me dit quand je parle, est-ce qu'on m'entend? On s'en fout. On m'entend quand je parle ou quoi? Ah bah ouais, je m'entends, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a de s'emmerder? L'intervention la plus inutile de l'histoire. C'était très très intéressant. On en a rien à foutre, franchement. Merci, Joël. T'as fini ton émission, tu dois pas rentrer chez toi. L'émission, non, mais ce qui reste, parce que samedi on a une soirée à Rue Explore Linux. Alors, il reste. Ça veut pécho, hein. Ça va pécho. Hein, il va repicoler gratos. Faudra qu'on parle, Alexis, après. Hein? De quoi? Faudra qu'on parle. Pourquoi on parle? Toi, qu'est-ce qu'on prend les couilles, oublie pas qu'il y a ta copine dans le public. Merci, allez, faut qu'on me cherche. C'est vite réglé, allez, bim. Allez, merci, allez, Kevin, c'est vite réglé, il faut beaucoup se casser les couilles, je le dis. Il est rouge écarlate. Il sait plus se mettre. C'est mignon. Bah alors, il fait le timide. Il fait le timide. Non, rien du tout. Je bois pas. Non, je bois pas. À la fin, 6-5h du matin. Oui, non, je bois pas. Bon, en tout cas, bon coup de gueule sur la télé-réalité. Ouais. Voilà. Apparemment, Jojo n'aime pas la télé-réalité. Qui a déjà regardé la télé-réalité un petit peu là? Tout le monde. Ah, Kev, c'est un spécialiste de la télé-réalité. Ah, ouais, j'adore. Ah, c'est vrai, t'aimes bien? Ouais, j'aimerais bien participer, moi. Ah, bah, non, vraiment. Avec Jojo. C'est quoi ton secret? Enculé Jojo. Son secret, c'est ma copine énorme. Son secret, c'est un youtubeur raté. Je plaisante. Putain, je suis con. Non. Ah, ça le fait rigoler ça. D'ailleurs, ce serait quoi votre secret si vous participez à l'émission J'en sais rien. Oh, je sais pas. Jojo, j'ai une grosse bite. Non, ça c'est pas un secret. Comme ça qu'elle arrive à la salle d'audition, bah, allez vérifier. Allez, viens. Dans la salle des secrets. Ouh. Là, ça serait quoi votre secret, Ben? Je dors plus qu'une marmotte. Sauf que moi je mets pas le chocolat dans le papier d'alu. Hein, Ben? Garde. Petit gamin. Juste, ce serait quoi toi? Je travaille à Coco. Je passe ma vie à rire. Et ta vie à gueuler aussi. Hein. Ouais. Alison. Aucune idée. C'est un homme. N'importe quoi. J'ai pas de sein et je l'assume. Avant, mais c'est du naturel. Non, okay. Ça, faut passer dans C'est mon choix. Avant, on m'appelait Alain. Il fallait passer la vision, c'est mon choix. Et toi, ça serait quoi ton secret? Oh, je sais pas. J'ai les longues couilles.

Allez, bonne soirée. Le son de 21 Pilots à l'instant jusqu'à 23h. Alexis Brantel. Jusqu'à 23h. Alexis Brantel. Sur Adam Explore. On est en direct évidemment jusqu'à 23h, on lâche rien, c'est ici que ça se passe. Il y a Jojo qui est avec nous toujours oui. en direct. Oui. Il y a Alison qui est avec nous. Oui. Il y a Jo qui est avec nous. Elle fait pas tomber le rideau, il va faire tomber le rideau, Kevin. Ah non, c'est déjà arrivé jeudi, voilà. Il y a Jo qui est avec nous. Oui, il est là. Ah là là, et puis il y a Ben qui est parti, je sais pas, il est parti s'occuper du parti bar. Faire caca. S'occuper. Ah, parti faire caca. Ouais, bonjour, sinon moi aussi. Ok, voilà. Le jeu des 5 mots qui s'en occupe, les amis. Bah, c'est. Lui. Ah, c'est Jo. C'est Jo. Ah, c'est Jo. Ah, parce que la semaine dernière, il a loupé, donc là, il va falloir qu'il se rattrape. C'est la dernière. Parce que la semaine dernière, t'as avancé les 5 mots vite fait comme voilà. ça. Ouais, mais c'était un combo, c'était formidable. Ah, écoute, je me doute bien, mais après, j'en ai un branlé. On va prendre les 5 mots de la part d'équipe. Tu as un truc pour noter, c'est bon? Bah, bien sûr que non. Ils ont rien du tout. Il y a une feuille, un crayon. Moi, enfin, j'ai, on appelle majuscule dans le jargon. C'est très bien. Attention, alors. Alors. Ben. Voilà, Ben. Quoi? Un mot. Ah ouais. Ben, il revient. Maître. Maître. Maître. Pourquoi tu dis maître en regardant Jojo? Ouais, pourquoi tu me regardes en disant ça? Parce que t'as beaucoup de choses à lui apprendre. C'est Jo hein, qui fait le... Ah là là. Il y a du monde au public ce soir, putain. Ouais. Le public, hein, carrément. Ah ben, ben, oh, j'ai cru que c'était toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnes. Oh, 6 personnes. Alors, Jojo, alors, premier maître, après on a un deuxième mot, Jojo. Moi je dirais. Merci, Jojo. Moi je dirais bien doigt de pied. Bah quoi, t'as dit, faut... doigt de pied. C'est pas vraiment un mot, doigt de pied. Hein. Bon, voilà. Allez, on prend. Pied, alors, on prend. Non, pied alors. Pied. Allison. Moi je dirais bien string. String. Ouais, tu le fais exprès. Ah ouais. Pourquoi tu portes des strings, Alissa? Oui, bon, ça se voit. Bien que oui, peut-être bien que quelle non. couleur? Ah ah, là, il est rouge là. Ah, faut savoir qu'il y a beaucoup de dossiers sur la séance photo. Parce que j'ai encore travaillé sur les photos cet après-midi. Il y a Jojo qui a été le seul membre de l'équipe à avoir touché les seins à Alison. Quel plaisir! Parce qu'il y en a reste évidemment, mais d'avoir touché les seins de Alison. Voilà. T'es jaloux, hein? Hein? T'es jaloux. Ah, mais complètement. T'aurais bien voulu. Ah, hein. Bah, complètement. Attends, à un moment donné, remise en question à faire quoi. Mais t'inquiète pas. 1, 2, 3, 4, il y en manque un. Hein. Bah, moi j'ai balancé un mot, j'ai balancé perpendiculaire. Ça c'est bien compliqué, perpendiculaire. Ok, c'est bon, alors t'as les 5 mots suivants qui sont perpendiculaire, string, pied, Annie et maître. Ok, parle bien à ton micro. Bien à ton micro, il prend toujours pas lui. On va appeler un hôtel. Ça se passe du côté d'Angoulême. Ce soir, on reste du côté d'Angoulême. On est bien du côté d'Angoulême. On est très très bien. C'est parti, c'est le jeu des 5 mots. Il doit recaler les 5 mots dans une réservation d'hôtel. Hôtel Terminus, bonsoir. Bonsoir, je vous appelle. J'aurais voulu faire une réservation. Puis j'aurais quelques questions à vous poser ensuite. C'est possible? Oui, j'en prie, monsieur. Oui, donc j'aurais voulu faire une réservation pour dans un mois. Par contre, je vous entends très mal, il y a beaucoup de bruit derrière vous, monsieur. Je vous entends très très mal, monsieur. Oui, bah moi aussi, je vous entends très très mal, il y a beaucoup de bruit derrière vous. Oui, mais vous, c'est votre téléphone qui n'arrête pas de couper. Ah. Il va te faire enculer, ouais. Ah, il chie, celui-là. Ah, il gonfle, alors raccroche. Attends, on va rappeler un autre. Ouais, la France aura ta peau. Attends, on va attendre un plein deuxième parce que lui, on n'entendait rien. Lui, il était dans un centre commercial quand il fait ça. Il était dans sa machine à laver, ouais. Ah, non, mais pourquoi il dit que c'est nous hein. Il fait rien. Hein, non, mais attends, les meilleurs standards sur le web. Attends, vas-y, on rappelle un deuxième numéro. C'est parti. Rappelle les 5 mots suivants qui sont. Alors, maître, Annie, pied, string et perpendiculaire. C'est parti en direct. Qu'est-ce qu'il balance, Kevin, des trucs comme ça là? Faut arrêter 5 minutes là. Bon, là en direct évidemment, 21h25, on appelle l'hôtel. Et le but est évidemment de caler les 5 mots suivants. Allô, l'hôtel Gasté? Bonsoir madame, je vous appelle, j'aurais voulu faire une petite réservation, c'est possible? Pour quand monsieur? Dans un mois, jour pour jour. Ah, dans un mois, donc on y va, c'est au mois de octobre. Voilà, le 15. Alors, le 15 octobre, on y va, ça tombe quel jour ça? 14. Prenez votre temps, madame, hein. Y a pas de souci. Hein. Le 15 octobre. Ah, mais ça tombe un samedi, monsieur. Bah, c'est bien, comme ça. Eh ben, oui, mais le samedi, nous sommes fermés, monsieur. C'est vrai? Pourquoi vous êtes fermés, madame? Parce que c'est fermé le week-end. Un hôtel qui ferme le week-end, madame? Eh oui, voyez. Bon, bah, tant pis, mais à partir de lundi, je me débrouillerai, j'arriverai en train directement, c'est pas grave. Donc, alors, à partir de lundi. Voilà, donc 15, 16, le 17, c'est ça, hein? Oui, oui, voilà, oui. Je suis encore bien content. Le 17 octobre. Voilà, on y arrive. Donc, pour une semaine. Alors, c'est-à-dire, vous serez chez nous combien de temps? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi. Et le vendredi vous fermez soir, pas le vendredi non plus, hein. Non, non, on travaille du lundi au vendredi, on fait le service le midi, mais le vendredi soir, c'est fermé et on reprend le lundi. D'accord, donc bah, mettez du lundi au vendredi, s'il vous plaît, au nom de Monsieur Maître. Alors, Monsieur Maître, voilà, ça bah, comme ça se prononce, M. voilà. A-I-T-R-E. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez comme chambre, madame ? Numéro de téléphone. 06 17 15 22 87 12. 06 17 15 22 87 12. Voilà. Il n'y en a pas un trop, là ? Mais non, madame. Recomptez bien, vous verrez qu'il y en a assez. Bon, 06 17 15 22 87 12. Qu'est-ce que vous avez comme chambre à me proposer, madame? Eh ben, j'ai chambre à 49,50, si vous voulez. Ouais, elle est grande. Oui. Elle est grande. Enfin, elle est grande, grande. Est-ce que la porte, elle est perpendiculaire à la fenêtre ou pas? Oh là là. Oh là là, bah tant pis. Vous m'en demandez là ce soir là. Ah hein, oui, mais je suis assez maniaque. J'aime bien savoir où je mets les pieds. J'aime bien savoir. J'aime bien, voilà, comme si, vous avez des grandes armoires, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de fringues à ranger. Alors là, faut pas venir dans un établissement. Bah oui, mais dans ce cas-là, où est-ce que je vais ranger mes strings, madame? Non, c'est même pas la peine, je vais même pas vous prendre, monsieur, c'est pas la peine. Non. Ah, vous êtes pas gentil. On aurait pu sympathiser et puis boire un verre d'anis ensemble, madame. Non, c'est pas la peine, monsieur. Chantal, c'est toi? Comment? On a retrouvé Chantal. C'est Chantal. Allô, Chantal? Allô, Chantal? Chantal? Chantal, vous êtes là? Bon, j'ai du boulot. Nous aussi, on travaille, hein, madame. Bah ouais. Chantal, c'est toi? Chantal? Chantal. Salut, c'est Charlotte. J'ai envie de Chantal. Oh, Chantal. Bon, merci, madame. En tout cas, t'as réussi à caler 5 mots? Ouais. Bon, on peut l'applaudir bien fort. Ouais, bravo. Bah voilà, merci, Chantal, en tout cas. On va s'appeler Chantal. C'est quoi votre prénom, madame? Vous êtes en direct à la radio, là. N'ayez pas peur, on mord pas, madame. Elle a fait une crise. Elle est plus là. Elle est plus là, Chantal. Allô, madame? Coquille. Allô? Parti faire coco. Ouais, est parti. Bon, c'est pas très grave en tout cas. Bon, merci en tout cas. C'est vrai que c'est top. Hein. C'est vrai que c'était bien parti, mais grand-mère, après, ouais. c'est carrément laissé emporter. Bon, reste avec nous en tout cas jusqu'à 23h. On sera le défi tout à l'heure. On sera aussi la question du soir. On sera la minute gaming. On sera les infos insolites. Bref, en tout cas, une bonne émission en perspective. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grandes et solia me voient où veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Pas dans ma hurle si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchon dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix on quittera pas le bendo. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. On met plus les bitches comme la ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Busy money weed et un tas de blame pour. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Pour marcher sous les mauvais sentiers. Posé dans le piège, on parle de rêve financier. Je préfère faire laser à fils de bourge que mendier. Mes négros agissent en plan flop, ton plan B. Ça mélange le rebelling, à la et l'anglais. Pied de chebu pour commettre tout truc insensé. Mais qui a tort sur moi, pas nous. On essaye tout, tu vis sans tenter. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Pussy money weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. bonne soirée tout le monde. Le son de Chai à l'instant, PMW en direct évidemment jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne. 21h, 23h. Du lundi au jeudi, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Va te faire enculer. Ça te donnera des couleurs. Everybody. Allez, bonne soirée en tout cas, merci d'être avec nous là ce soir, ça fait grave plaisir. On termine la semaine ensemble, demain vous retrouverez évidemment le Pet Mix, évidemment comme chaque vendredi, comme chaque samedi, évidemment l'émission pour faire la teuf. Demain ça sera Quentin au micro de 21h à minuit, évidemment avec tous les DJ résidents, puis samedi également à partir de 21h, ça demain 21h-5h. Et samedi également avec tous les DJ résidents Radio X Floor, vous allez pouvoir vous éclater et faire la teuf. Nous reviendrons évidemment dès lundi avec en plus des cadeaux qu'on va offrir dès lundi. Donc dans la libre antenne, restez connectés à partir de 21h. Mais avant ça, toute l'équipe est avec nous ce soir. Il y a Ben qui est avec nous. Ouais. Il y a Jojo qui est avec nous. Ouais, toujours. Ouais. Il y a parce que j'ai dit Jojo et puis j'ai regardé Jo en même temps. Ouais. Il y a Jojo qui est avec nous. Ça voilà. Va pas, ça, Jojo, machin, il y a pas de Jojo. Il y a trop, hein. Geoffrey. Trop voilà, de Jojo, tu le Jojo. Geoffrey qui est avec nous, puis Jojo. Voilà. Appelez-moi le roi. Et la belle Alison qui est avec nous. Ouais. C'est qu'une belle fille, hein. Avec sa infidèle pec. Moi, je peux attraper des beaux gosses. À la pêche au moule. Je peux attraper des beaux gosses avec mon fichier. Ah ouais, bah là, pour le moment, il a attrapé un gros ton, hein. Ouais. J'ai attrapé personne, pour l'instant. Bah si, toi, là, ton fils. Vas-y, mais je t'emmerde. Ah, est-ce qu'il faut le rappeler qu'Alison est sur Badou? Oui, Alison est sur Badou. Elle cherche. Ouais, mais mon compte est désactivé. Ah, pourquoi ton compte est désactivé? Non. Parce que je vais pas dessus. Bah on ouais, bien sûr, prends pas les cons. Attends, regarde la description. Attends. La description quand t'es sur Badou, attends. Je tiens à dire que c'est une simplicité. Simple. Voilà, simple, hein. Elle est là. Attends. Elle date cette photo, hein. Déjà, tu mets des photos de profil, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec la vraie photo en vrai. Hein, c'est ça, elle est pas comme ça en vrai. Hein. C'est le photo montage, Max. Qu'est-ce qu'il y a? En vrai, elle est mieux. Non, elle a ses cheveux en couleur, ouais. En vrai, elle est mieux. Mais qu'est-ce qu'il vient nous faire chier, lui? J'avais des mèches blondes, mais pas comme maintenant. Continue à te pignoler, toi, c'est pas quand ton âge. N'oublie pas que ta copine est dans le public ce soir. Arrêtez, faut pas l'enlever. À propos de moi, DBG, cela ne m'intéresse pas. Tu as beau être beau gosse. T'as beau rien avoir dans la cervelle. Attends, t'as beau être beau et rien avoir dans la cervelle. Je cherche relation sérieuse. Pas sérieux, s'abstenir. Merci. T'es genre relation sérieuse sur Badou. Chérie, on s'est rencontré où? Sur Badou. Bah, c'est beau. Non, mais t'imagines dans une paire de générations les gens qui racontent comment ils vont se rencontrer. Nos grands-parents, ils se sont rencontrés dans la rue, tout ça. Puis bientôt, ouais. La génération, ça va être papa, comment t'as rencontré ta maman? Et puis bah lui il va faire, bah elle m'a envoyé une photo de sa chatte, je lui ai envoyé une photo de ma bite. Bah moi je l'ai rencontré à Pôle emploi. Les générations de merde. Paul qui, je le connais Paul. Ah là là, bon en tout cas merci d'être avec nous là jusqu'à 23h. Quelles sont la question du soir là, 21h35, quelles sont les pires excuses que vous avez déjà données pour ne pas aller à un rendez-vous? Attention à la question que vous a posée évidemment toute bordel. La journée sur le Facebook, évidemment, à couper vos téléphones, bordel, le public écoute pas là. Ben, c'est quoi ta pire excuse que t'as déjà donnée pour pas aller à rendez-vous? Il l'a dit tout à l'heure, hein. Sur je le branlais, comme dit. Non. T'as quoi? Bah, non, je l'ai pas dit. Sinon, tu peux me donner une réponse maintenant ou c'est toi? Non, mais j'ai pas d'excuses. Pourquoi avoir des excuses? Non, mais Ben, il a pas de rendez-vous. Non, mais. Tu dis la vérité, t'as pas envie d'y aller, puis c'est tout. Non, mais il est con, lui. Il dit la vérité, lui. Ah, bon, la vérité, j'ai pas d'excuses. Vas-y, va, j'ai pas envie. Là, tu me casses mon délire, il me casse les couilles. Bon, bah, Jojo. J'ai la chiasse. C'est vrai, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai la chiasse. Ah, mais c'était pas vrai. Et non, et en fait, je me rappelais plus, j'avais ma directrice qui était sur mon Facebook perso et j'étais parti faire les soldes à Londres. Et je me suis fait déglinguer le lendemain. Ah, pourquoi t'as pris les photos? Bah, j'étais en direct de Londres. Mais t'es vraiment voilà. Brut. Bah oui, mais voilà. Ah, bah voilà. Je me rappelais plus qu'elle était. Et du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé le lendemain? Rien. Oh, ça va. J'ai vraiment eu la chiasse, quoi. Ah. T'as été puni. J'ai bouffé les. Tout. Alison, quelles sont les pires excuses que t'as déjà données pour pas aller à rendez-vous? Panne de réveil. Oh, bon, c'est celle-là. Ah, bah, ouais, c'est fréquent. Hein. Ah, y a un rendez-vous à 17h. Bah, ah pour Ben, ouais, c'est un panne de réveil. Après, 17h, ouais, c'est panne de réveil. Non, après, rendez-vous à 17h, moi ça m'est arrivé en plein débat sexuel, donc. Quoi? Putain, elle était en train de baiser. Elle avait non, mais t'imagines le banquier. Excusez-moi, Alison, on avait rendez-vous à 17h. Bah, attends, je peux baiser. Attends. Mais non, mais écoute, tu vas pas arrêter. C'est bon. De toute façon, après, ça peut attendre le banquier, je veux dire. Non, ça dépend pourquoi. Hein. Attends, je suis avec mon copain là. Mon copain là. T'imagines, ouais. Non, mais attends, là, t'es carrément en plein époque sexuelle. Là, mais c'est déjà arrivé de poser des lapins à des mecs par contre? Ouais. Du genre, qu'est-ce que t'as... C'est dégueulasse, hein. Tu fais espérer des mecs. Pourquoi, hein. Pourquoi poser un lapin à un mec? Bah, parce que... Il était moche. Mais non, non, c'est parce que... Badou. Non, c'est parce que sur Facebook, il était plus beau. Ouais, sur Instagram, il était plus beau qu'en vrai. Non, faut se faire désirer. Ouais, voilà. Et puis. De quoi tu passes à la passe parce que. Oh, c'est foutu de gueule. Moi, une meuf, elle passe à la passe, je vais te faire enculer, puis tout. Hein. Si t'es vraiment au taquet, tu vas attendre, mec. Voilà. Ouais, pourquoi oh. Il regarde avec son sourire? Bah, ouais. Vraiment sérieux, t'attends. Hein. C'est bizarre. Je fais arrière, j'ai hyper beau taillé. Pourquoi il attend? Mais de quoi t'es au taquet? Bah, attends, c'est bon. Tu dis 17h, elle est pas là, attends. Non, mais non, de toute façon, si après je pose un lapin à un mec, c'est qu'il me plaît pas et puis il m'intéresse pas. Donc, bah, pourquoi tu donnes rendez-vous alors? Ben, pour regarder sa personnalité, pour voir ce qu'il a dans le vent, pour en voir... En fait, elle a été au rendez-vous, elle a été sur le coin, de loin, elle a regardé de loin, et elle a vu qu'il y avait un gros cul, elle a dit non, lui, j'en veux pas. Non, merci. C'est ça. Elle est comme ça, elle. Ça, alors... C'est méchant. Je ferai. Je peux pas, j'ai piscine. On s'en saurait. J'ai tout habituel. J'ai aquaponé. Je ferai content de sa blague, faut rigoler. Et toi, c'est quoi ton excuse? Je touche des trucs pour les handicapés, donc essaye de rigoler parce que c'est pour la radio. Moi, qu'est-ce que j'ai eu comme excuse? Ouais, vas-y. Moi, je peux pas, j'ai un rendez-vous à la banque. Bon, c'est tout. À défaut de baiser. Hein? À défaut de baiser. Je t'emmerde. J'ai pas de problème avec bah, ça. On se fait baiser par les banquiers actuellement. Hein. Parce qu'hier, on en parlait des applications les plus téléchargées du moment. Et Jojo, il a dit que c'est l'application qui. Ouais, il a dit l'application banque. Ouais. Ah, ouais. Plus je l'ai enlevé là. Ah, ouais. Marche plus. Non. C'est bon, il y a plus de sous. Il y a plus de sous pour y aller. Fait, là. Mais je te jure que c'est vrai, t'es exactement pareil que moi en fait. Donc, des fois, quand j'essaie de renouveler l'application, je stresse en fait. Je dis putain, je vais être dans le moins ou je vais dans le plus là. C'est quand tu commences à voir les trucs qui défilent. Ouais, 50-78%. Oh putain. Parce qu'en fait, moi, avec l'application, j'ai pas mal le nom de ma banque, mais en fait, moi ça fait, je sais pas si c'est pareil. Toi, c'est l'écureuil aussi? Hein? C'est l'écureuil aussi, toi? Non, c'est pas l'écureuil. Moi, ça fait un soleil, alors c'est moi qui l'ai réglé. Ça fait un soleil, ça fait ultra beau et ça fait genre gris quand tu commences à être dans le mois. Et ils te prennent pour un bubble, et quoi. Il pleut. Moi, il y a pas tout ça. Moi, c'est directement moins. Il pleut quand t'es dans le mois. Bon, généralement, moi, il pleut beaucoup en ce moment, mais. mais je suis content que je suis. C'est une banque de Gogol, quoi. C'est LCI. Mais moi, c'est pas. Attends. Putain, ta banque, c'est de la merde. Moi, bon, excusez-moi. Attends, je vais dire plusieurs noms de banques parce que je vais citer celle-là. Ouais, je vais dire SL, Crédit Agricole. Et maintenant, je vais dire celle-là. Mais excusez-moi, qui a la banque populaire ici? Toi. Non, je sais pas. Mais excusez-moi, je n'ai rien contre cette banque. Hein. Mais j'ai quelque chose contre nom. Et je te jure, ça fait cassos. Banque populaire. Bah, c'est comme la banque postale. Ça fait trop soupe populaire. Moi, je trouve ça fait ça. Pourtant, je n'ai rien contre cette banque. Hein. Je dis encore une fois, ils font des très bons services, les gens. Pourtant, la Jojo, il a raison. La banque des cassos, c'est la poste. Non, hein. non, c'est la caisse d'épargne. Non. C'est la gueule, c'est la poste parce que la poste, normalement. Ah, bah, c'est ta raison. T'es à la poste, Ben? Non, pas la poste, c'est la caisse d'épargne. Et n'empêche que 12 balles pour une lettre qu'ils envoient, quoi. 12 ouais, balles qui prennent. Ah ouais, mais faut faire vivre. Après, y'a pas une banque qui rattrape l'autre, je pense. Non, ils sont tous. Ouais, faut retirer tout de suite tes sous de ton compte. Ouais. Tu les mets sous un matelas. Voilà, pas où tu les mets au ouais, club. Ouais, je pense. Kevin, t'as quelle banque toi? Crédit Agricole. Ah, c'est bien, et là. Yeah, c'est la même banque. La banque du soleil. Ils sont actionnaires. La banque du soleil. Bon, et ça va, t'es dans le vert toi? Tout le temps. Oh, ça y est, le gars il se la pète. Allez, pour la peine, on lance le hashtag Kevin paye son verre ce soir au café. Ouais. Il paye son saucisson. Bon, reste avec toi en tout cas. Et en fait, on parlait de quoi là? Ah, la question, ouais. Pardon. Voilà. Et au fait, j'avais noté là, sur le coup de gueule de Jojo. Je voulais parler, je sais pas si c'est vous, mais je sais c'est faire. Et en ce moment, c'est faire, ça déconne à mort. Alors, je sais pas si c'est vous, mais en tout cas, avec moi, c'était mon coup de gueule. Ouais, si, pareil. Ouais. Apparemment, c'est tout le monde, et moi, c'est mon coup de gueule parce que je commence à en avoir un cul. Tu payes une blinde. Ah, attention, Nicolas Guidé. J'en parle pas des box. Qu'on lui mette un micro et qu'on lui fasse parler. Attention, attends, parce que celui qui en parlait hier, attends. Bonsoir, Nicolas, ça va? Bonsoir. Tiens pas le micro comme ça, s'il te plaît. Voilà. Moi, je dirais. Salut, c'est Nicolas Guidé. En fait, je voudrais parler. En fait, la petite crise. Moi, je dirais aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je vais dire honnêtement, SFR, c'est de la merde. D'accord. Oui, mais argument. Argument. Bah, le truc que je vais argumenter, déjà il y a des gros problèmes de réseau. Déjà de 1, c'est hyper cher pour ce que c'est. De 2, quand tu veux avoir accès à service de télévision, elle fonctionne très mal. Quand t'as un bon débit, t'as plus de télévision au bout d'un moment. Donc, on a perdu les auditeurs. Ben voilà, il sait faire, c'est de la merde. Ouais. Ah, voilà. Merci. T'es chez qui, toi? Chez... Il est chez Free. Le mec, il tape sur SFR, il est chez Free. Il a tout compris. Et on l'a retrouvé, c'est Rudy. Non, mais sérieux, vous connaissez pas, parce que c'est la première fois que tu découvres ces nouvelles personnes. Enfin, Geoffrey et Alison, tu les as jamais vus? Non, c'est jamais vu. Non, c'est jamais vu. Hein? Ah non, t'es jamais vu. Non, t'es jamais vu. C'est ma troisième émission, je t'ai jamais vu. Ah ouais, lunettes, il faut changer de lunettes. Non. Ah, ce que je disais, que t'avais déjà parlé à Dalida. C'était vrai? Tu avais dit ça aux 5 ans, t'avais parlé à Dalida. Non. Ah si, t'avais dit ça à Ben. Si, il avait dit ça. Si, t'avais dit ça aux 5 ans. Moi, t'étais complètement torché. Avec son gros sourire. T'as fait comment? Dalida, elle est un peu morte, quoi. T'as fait comment? Hein? Jeff Panaclock. J'ai bien fait Jeff Panaclock. Si tu peux lui mettre un micro, il va nous faire. Oh, si, un peu Jeff. Allez, Jeff. Ouais, j'ai envie de chanter. Allez, fais-nous un petit peu de Jeff. Vas-y, Nicolas. Nicolas, si tu le fais, on partage. J'ai pas le jeu là. C'est quoi le choix? Faut que je mette mes cordes vocales en accès. Bah, préparez tes cordes vocales. Vas-y, prépare. Voilà. Tant que c'est les cordes vocales. Ouais, tant que c'est que les cordes vocales, ça va. Ça nous arrange. Ben, ouais, on l'entend pas. On le fera tout à l'heure. Reste avec nous, Ben et Christian. Ça va, Ben? On l'a perdu là. Ben, il est rouge. Tu veux de l'eau? Merci. Qui a le... Ah, c'est lui, c'est Jojo qui a le casque de militaire ce soir. Ça fait plaisir. Merci en tout cas d'être avec nous. Il est très beau de nous. Ça fait plaisir. On est là ensemble en tout cas. Bonne soirée. Merci d'être avec nous jusqu'à 23h. N'hésitez pas à laisser tous vos messages. On se fera le défi évidemment dans quelques instants. Le quoi? Le défi. Oh non. Ah, bah, si. Pas au courant. Bah, si. On se le fait évidemment dans quelques instants et puis on se fera. L'avez-vous vu Chantal avec notre ami Jojo? Ah non, non, non. Juste après par qui s'est mis. Ah non, non, non. Si. Hard to walk again. You told me how to fly. You drove my hand. You saved me, save me. Shoot me down. Blow me down. Save me, kill me. Shoot me down. Blow me down. Save me, save me. Quitte à l'instant, save me, on sera évidemment dans quelques instants Soprano. Ça arrive dans moins de 2 minutes. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. On se fera le avez-vous vu Chantal, reste avec nous, il y aura le défi également. Des insectes à comestibles ce soir à manger. Ça va être dégueulasse. Reste avec nous ici jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne, bonne soirée. Radio Mixplore. Un max de son dance floor.

Allez, bonne soirée, le son de Soprano à l'instant, en feu, en direct. Pile poil de quoi quitter la ville, les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. On est là ensemble jusqu'à 23h, bonne soirée en tout cas, merci d'être avec nous là, ça fait grave plaisir, vous êtes très nombreux à nous écouter là, en tout cas entre 21h et 23h, l'émission s'appelle Alex Libre Antenne, on est là ce soir, il y a Ben qui est avec nous, ouais. Il y a Jo qui est avec nous, ouais. Il y a Alison qui est avec nous, ouais. Il y a Jojo qui est avec nous évidemment, oui. Et là on va retrouver Jojo dans moins de 2 minutes avec le Avez-vous vu Chantal, il était énorme lundi. Hein. Ah oui, oui, oui. Péta à plomb et tout, il était juste énorme. D'ailleurs, il était énorme aussi, c'était la rubrique des pervers. D'ailleurs, on a une nouvelle chaîne YouTube si vous voulez mater tous les canulars, etc. Comment ça se passe, etc. Peut-être celui de ce soir, il va être énorme. Et ben, on a une chaîne YouTube, vous tapez juste Alex Libre Antenne. Et il y a le Avez-vous Chantal de lundi, et puis il y a l'appel de pervers de hier. Donc, qu'on pourra retrouver directement là-dessus. Voilà. Avant ça, je vous fais une petite pub là pour la soirée. Ça se passe ce samedi, soirée Radio Mix Floor à l'Inox Club, notre discothèque partenaire pour une soirée 100% Radio Mix Floor, car notre gagnant du contest DJ Tibas est là avec notre gagnant et notre DJ résident DJ Netek. Il sera là aux commandes. Alors la chance d'animer avec moi-même. Alors la chance, je suis un salaud. Je sais pas pourquoi je dis ça. Allez, animera évidemment avec moi-même. Et puis on distribuera quelques cadeaux. Et puis on retrouvera un petit peu des gens de l'équipe La Libre Antenne qui seront directement là-bas. L'entrée en plus, elle est pas chère. L'entrée est gratuite avant 1h. Et puis après, c'est 5 euros. Donc vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. 5 euros après 1h, ouais, ça va. Ça sinon, va. C'est gratuit. Ouais, ça va. Là, là, ça va. En temps normal, c'est 10 balles, hein, Lino. Ah bah, et encore. Mais c'est pour nous. On fait une exception. C'est, bah là, parce que c'est cadeau. Il sait que nos auditeurs, c'est les cassos. Alors, non, dédicace au public qui sont avec nous ce soir. Numéro 1 sur Calais. Ta gueule. Parce qu'attends, attends. Il fait chier à parler de Calais depuis tout à l'heure. Il faut expliquer qu'il y a une embrouille. Il y a une embrouille tout à l'heure en coulisses entre Ben, Jojo et moi qui est en train de s'engueuler avec Alison et Geoffrey parce qu'ils habitent. Dunkerque. Bah oui, on habite Dunkerque. Ils disaient que Calais, c'était la plage était moins belle que. Écoute, on entend de la pub partout qui dit Malo les Bains, c'est la plus belle plage de la chorale. Ne soyez pas jaloux, c'est tout. Des bons bars, des bonnes glaces, des bons bars. Ta gueule, ouais. Nous, les glaces à Diego, Diego ouais. Salo. Mais Diego, putain, on était gamins, on courait derrière sa camionnette avant. Ah bah nous aussi. Moi, je me rappelle, j'avais tiré avec des pistolets à billes. Enfin, bref. Là, c'est bon. Parce que bah, pour ceux qui, peut-être qu'ils savent, ils ont peut-être pas ça dans le sud, mais en tout cas, on a des marchands de glace qui vont dans les rues et qui klaxonnent pour distribuer des glaces. Enfin, on les paye, hein. Quand on distribue pas gratuitement. C'est comme le barac à frites, mais. C'est des glosses. Voilà, exactement. On va faire le Avez-vous Chantal ce soir. On va appeler le premier numéro. On va appeler Madeleine. Je sens bien Madeleine. J'espère qu'ils vont répondre parce qu'on appelle tard. On l'a fait un peu trop tard ce soir. Mais bon, c'est pas très grave. On va essayer de trouver la réponse. C'est parti. Madeleine, hein. Avez-vous vu Chantal avec Jojo? 21h54, on est en direct. Est-ce que ça va répondre? Je rigole à côté de moi. Adore grand-mère. Attends, mais c'est dingue. Attends, parce que la dernière fois, elle était longue à répondre. J'écoute. Oui, bonsoir. Est-ce que Chantal est là, s'il vous plaît? Mais monsieur, vous faites erreur. Ah non, madame. Il n'y a pas de Chantal chez moi. Ah ben si, si, elle m'a donné ce numéro-là tout à l'heure, en fait, parce qu'elle m'a dit qu'elle était chez vous en train de boire l'apéro. Le problème, c'est que je dois récupérer la jambe de bois de mon tonton René. Mais monsieur... Moi, je ne sais pas qui c'est. Bah si, c'est moi, votre copine. Je suis chez moi, je suis couchée, je suis très âgée. Et vous me dérangez beaucoup. Bah, elle est chez vous, elle m'a donné votre numéro de téléphone, donc elle m'a dit qu'elle était chez vous. Et j'ai besoin à tout prix de récupérer la jambe de bois. Eh ben, monsieur, je ne peux pas vous... Mais en fait, vous a donné un mauvais numéro. Ah bah écoutez, si j'ai fait un mauvais numéro, tant pis, hein. Je vais rappeler l'autre numéro alors. Merci, hein. Bonne soirée. Oh, attends, non, j'ai dit un jour à accrocher, c'est dégueulasse. Elle est vraiment très âgée, je pense, parce que la meuf, elle est à deux doigts de faire une crise cardiaque. Non, ouais, mais là, attends, tu me la respires. Ouais. Bah, à cet âge-là, ils ont que ça qu'à faire de dormir. De quoi? Ils ont que ça qu'à faire de dormir. Oh, t'es dégueulasse, toi, attends, tu verras. Bah, j'aurais pas récupéré le gobe de bois, par contre. Attends, t'as pas de nouveau numéro, du coup, attends. Ah. Parce que j'ai Jacqueline maintenant. Jacqueline, j'ai des numéros de compète là, attention. Ah putain, c'est con en plus, elle m'a mis du temps à répondre, je me doutais bien qu'elle était. Cette dame, je suis sûr qu'elle dormait, tu l'as réveillée. Attends, on appelle tard en même temps, c'est notre faute. Hein. Allez, deuxième numéro, on appelle Jacqueline, c'est parti en direct. Jacqueline. C'est Jacqueline. Jacqueline. De Kerry, toi qui tapis. Numéro de téléphone incorrect. Ah bah, Jacqueline, elle est plus de ce monde. C'est là, tu n'as même pas testé le numéro avant. Bah non, bah attends, ça va, attends, j'en ai plein. Alors, on va tester maintenant Alain. Alain? Ouais. Un bon courage. Ah mais attends, c'est que des mecs. Hein. Putain, laisse tomber. Sinon, on pourra rappeler Colette hein, de l'Asie. Hein. Ça serait formidable de nous faire un intérieur. Ah ouais, viens, on rappelle Colette. Allez, c'est parti, on appelle Alain. Allez, bonne soirée, en tout cas, merci d'être avec nous. Allô ? Oui, Alain ? Pourrais-je avoir Chantal, s'il vous plaît ? Allô ? Allô, pourrais-je avoir Chantal, s'il vous plaît ? Parce qu'elle m'a donné votre... Chantal, là. Elle m'a donné votre numéro de téléphone, elle m'a dit qu'elle était chez vous et j'ai un gros souci. Je dois récupérer la jambe de bois de mon tonton René. Elle m'a dit qu'elle était chez vous. Donc j'ai besoin à tout prix d'avoir Chantal, s'il vous plaît. Je connais personne. Vous connaissez ? Bah si, Chantal, elle est chez vous, elle m'a donné votre numéro. Chantal qui ? Ben Chantal, Tata Chantal. Elle est chez vous, apparemment, elle buvait l'apéro. Ouais, au revoir. Au revoir. Oh merde, putain. Quel connard. Oh putain. Allez, connais personne, mais tu vois. On va essayer d'en avoir nous. celle d'avant. C'est Colette. Je casse son numéro, on peut leur faire, Pierre. Mais c'est qui qu'on appelle là ? Je sais pas, Raymond. Oh putain. On appelle Raymond. C'est la tondeuse à Raymond. Allez, vas-y, attends, on appelle Raymond vite fait. Puis après, au pire, on appelle. On m'appellera personne. On a coupé. Allô ? Allô ? Allô ? S'il y a quelqu'un. Allô ? Bonsoir. Bah, allô ? Bon, bah, encore un mec qui est. Tu veux quoi ? Attends, au dernier numéro, j'ai qui ? J'ai Michel. Oh putain. Michel est bien, Michel. Attends, bah, c'est compliqué, c'est notre faute, on a appelé un peu trop tard. Voilà. C'est un beat ce soir, Chantal. La France, elle dort à 10h au soir. Bah non, mais c'est pas ça, c'est des personnes âgées, ils n'ont rien compris. En même temps, on est en semaine. Hein. Tu le mettrais un Derrick à cette heure-là, il serait corps debout. Ça. Ouais. Derrick. Ou les feux de l'amour. c'est Michel. Attends. Il se branle, Michel. Il attend Charlotte. Je m'aperçois que je suis vulgaire quand même. Un peu. Allô ? Allô ? Bonjour, pourrais-je avoir Chantal, s'il vous plaît ? Allô ? C'est pas des conneries, ça ? Bah non, vous... bah non, c'est pas des conneries, Chantal, allô chez vous. Allô ? Allô ? Oh merde. Attends, on va le rappeler, attends. C'est des conneries, ça ? Allô ? Encore un calaisien. On peut le rappeler, lui. Ouais, on va le rappeler. On va le faire chier au bout. Non, bah non, c'est dans toute la France qu'on appelle. Tout de suite à Calais. tout de suite Calais. Non. Allô ? Allô ? Ouais, Chantal, elle est là ? Chantal ? Oui ? Oui ? Il n'y a pas de Chantal ici. Bah si, elle m'a dit qu'elle était chez vous. Elle buvait l'apéro chez vous, elle m'a dit, elle m'a donné votre numéro de téléphone. C'est son neveu, Chantal. Oui. Chantal. Je connais pas de Chantal, alors ça m'étonnerait qu'elle soit chez moi, arrête tes conneries. Bah si, elle m'a dit qu'elle était chez vous. Elle m'a donné votre numéro. Oui, bah elle est chez moi si tu veux. Oui. Elle est dans mon lit pour l'instant. Ah bon ? Ah bah c'est bien, je suis content que t'attends. Et je vais rien dire, si elle trompe tonton René, je dirai rien. Par contre, vous pouvez pas lui demander ce gorbet de bois ? Oh, arrête, ça coupe tout. Hein ? Tu comprends rien avec ton accent à la con, là. Ah bah oui, c'est normal, j'ai un accent à la con, mais je voudrais avoir ma tata, alors. Passez-le-moi, c'est important. Non, mais j'ai pas de Chantal ici. Bah si, t'as une Chantal ici. Bah non, mon gars. Mais si. Mais non. Mais si. Puis ça te regarde pas si j'ai une Chantal. Bah si, j'ai besoin. Et c'est ma tante, quand même. Mais je m'en fous, moi. Bah, passez-la-moi vite fait. Je dirai rien à personne, mais j'ai besoin de la voir. Ouais, Michel, allez, Michel. Tu peux le dire à tout le monde. Michel, hein, Michel, passe-moi ta Chantal. Michel, fais-moi plaisir. Comment ? Fais-moi plaisir, Michel, passe-moi ta Chantal. Qui c'est, ça ? Bah, la meuf qui est dans ton lit. La meuf qui est dans ton lit. Je vais te dire ça. Il n'y a pas de meuf dans mon lit, il n'y a qu'un chat. Oh, bah, ouais. Et allez où ma tante Chantal ? Mais il n'y a pas de Chantal. Mais si, il y a de la Chantal. Je sais pas qui c'est que t'aimes, enfin. Bah si, bah je suis son neveu. Son neveu, ouais. Et vite, parce que tonton René va faire la gueule, il doit récupérer sa gambette de bois. Mais je m'en fous de tonton René, moi. Bah écoute, comment on fait alors ? Bah tu te démerdes. Bah quoi, je me démerde, t'es sympa, Michel, quand même. Allez, Michel, passe-moi Chantal. Je sais pas qui c'est qui t'a donné mon numéro de téléphone et puis qui dit de téléphoner. Bah sinon, j'appelle la police et je dis qu'il t'appelle. Hein ? Sinon, j'appelle la police et je dis qu'il t'appelle. Eh bah, appelle la police, on va appeler des, tiens. Bah, vas-y, passe-moi Chantal. Je te jure, j'appelle les flics. Je crois que c'est un flic qui va me faire peur. Ah bon ? Va faire quoi au flic ? Michel, allez, oui. À la police. Bon, quand t'auras fini de t'amuser, là, je vais regarder la télé. Hein. Tu vas regarder quoi, Michel ? Quoi, Michel ? Tu regardes quoi, Michel ? Ah, ça veut raccrocher. Ah, pas mal. Pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante de ah, pas mal là. Elle était quand même. Par contre, son téléphone, t'entendais une résonance ? Ah, ouais, c'est ouais, ça. J'entendais, ouais. T'entendais ta voix, je crois. Ça, c'est les vieux téléphones. Ma grand-mère, ça fait pareil. Ouais, c'est les vieux téléphones. Il était marrant, lui. Il était marrant. Il était marrant, pas mal. On peut l'applaudir bien fort quand même, le Jojo. Bravo. Merci à Michel. Regarde, ça a été quand même à vous, Chantal. Est-ce que tu veux quand même rappeler Colette de jeudi ? Oh ouais, ouais, vas-y, rappelle. Ouais, allez, rappelle. Et tu dis que t'as toujours pas trouvé. Mais on l'embête pas longtemps, Colette. Ouais, allez. Déjà, Colette ! Déjà, est-ce qu'elle va répondre, 22h ? Si, si, si. Est-ce qu'elle va répondre ? Après, on a bien plus les gens. Après, non. Les salauds, quand même. Salauds. Colette, hein. Tu dis que je l'ai toujours pas retrouvé. Hein. Chantal. Hein. Non, regarde, elle pète un plomb. Oh, une petite chienne. Oh, je crois qu'elle est en train de répondre. Ah, merde. Ah, elle est partie dormir, grand-mère. On essaiera de la rappeler la prochaine fois. Ça se trouve, on l'a réveillée, la pauvre. Ça a trop bien coup, ouais. Qui ? Ma Colette. T'es dégueulasse, Colette, elle picole pas. Et l'autre, elle s'assit sur les genoux des. D'un auditeur, il a piqué elle. Ma place. Oh, bah, il m'a pas mieux non plus, les auditeurs ici. Bah, il m'a pas mieux. Elle est pas trop lourde ? Non, ça va ? Avec son gros cul. Ouais, y'a que ça de bien chez moi, je pense. Hein ? Y'a que ça de bien chez moi, ouais, je pense. Ouais, parce que. T'es sans, on les voit pas grave. Mais laissez mes mini-bars tranquilles, bordel. T'es, ça, ça le penche de pain. Bon, restez avec nous, en tout cas, bonne soirée, merci. On sera le défi. Tiens, le défi, ouais, il arrive là dans 5 minutes, même pas le défi. Le quoi ? Avec Alison et. On va le faire je en deux. Même pas savoir. Et d'ailleurs, je vais le recevoir un petit message là, d'un des membres de l'équipe. Je ne citerai pas le nom. Ah, si, si. Ben. Qui m'a dit pourquoi on ferait pas le défi avec la moutarde ? Est-ce que tu te rappelles du défi de la moutarde ? Ah, bah oui, je me rappelle du défi de la moutarde. Ouais, je m'en rappelle. Et bon, on va le faire. Deux défis pour eux ce soir. Ouais. Non. Merci. Bah, c'est le dépucelage un petit peu ce soir. On va faire deux défis. Allez. À la fin, je vous pète. Ah, mais il y a longtemps que j'ai été. À votre avis, on commence par la moutarde ou on commence par l'autre défi ? Les deux moutardes. Non, pas les deux moutardes. Je veux bien faire l'insecte et garder la moutarde à la fin. Mais tu sais pas toi qui décides, t'es barré. Ouais, mais on est les nouveaux, hein. C'est bon, hein. Bon, attends, c'est bon. Vas-y, fais le défi de la moutarde avant. La moutarde avant ? Ouais. Ok, bon, ça arrive dans moins de 3 minutes le défi de la moutarde. Salaud. Vous allez voir, ils vont devoir mettre de la bande moutarde. De salaud. De la moutarde carrément. Sur leur moustache et ils vont donner à retenir le plus longtemps possible. Alors faites gaffe parce que. Ah, de la moustache. Au-delà de 5 minutes, ça peut être dangereux, ça peut t'irriter ta peau. Mais bon, ouais. Bref. Ah, faut que tu ne pas au cul. Hein. Ça risque pas. Ouais, ah, bon, c'est pas genre dans la maison. Tu fais une chasse après, c'est ton problème. Hein ? Une chasse après, c'est ton problème. Bon, reste avec nous là, le tout nouveau Feder, l'ordi, en direct jusqu'à 23h. Bonne soirée. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Everyone will know that we Allez, bonne soirée en tout cas, merci d'être avec nous là jusqu'à 23h. Alex, libre antenne, c'était tout nouveau. Feder, l'ordi à l'instant en direct, vous l'avez découvert dans l'émission de Kev dans le Before Dance Floor exactement. Bah, c'est ici que ça se passe, hein. Jusqu'à 23h sur la première web radio Dance Floor de France. On est là avec Ben qui est avec nous. Oui, c'est moi. Il y a Alison qui est avec nous également. Oui. Il y a Jojo qui est avec nous également. Et puis Jo qui est avec nous. Oui, mais moi je vais m'en aller. Ah, mais si, attends, tu vas faire déjà le défi de la moutarde. Non, non. La moutarde, ça fait au moins 10 ans qu'elle est dans le frigo. Oh bah putain, bah, si elle est périmée, puis... je peux pas. Non, pas 10 ans. Non. Ça fait 6 ans, ouais. 5-6 mois. Hein 5-6 mois. Oh, c'est depuis 5 ans de la radio. Non, il n'y a pas de truc vert. Après, aussi. C'était avec les humoristes. Non, je plaisante. C'était avec les humoristes. Et c'est quoi? Alors, vous allez devoir mettre de la moutarde. C'est quoi comme moutarde? Ouais, moutarde, c'est la sale moutarde, premier prix. Elle doit arracher la gueule. Fais voir. Et vous devez tenir le plus longtemps entre vous deux. Oh bah c'est bon, elle va lâcher au bout de 30 secondes elle. C'est pas un mot. Je la connais par cœur. Claque encore plus le pot sur le truc, hein. Ça reste. Alors. On voit les professionnels, moutarde hein, bravo. Moutarde Dijon fine et forte de Carrefour. Allez, alors on fait un petit deal. Allez, entre vous deux, ouais. Entre vous deux, celui qui tient le plus longtemps que la moustache. Ouais. Et ben il fait pas le deuxième défi. Exactement. Allez, vendu. Bon, banco. Attention. Honneur aux hommes. Attends, il faut bien en mettre. Je mets le chronomètre en route. Attends. Il enlève les lunettes et tout. Hein. Ah ouais, bah attends, je suis pas con, je sais que ça va faire pleurer à mort. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on met la moustache, et ben ce sera la rubrique de Ben. La rubrique de Ben. La minute gaming. Ok. T'as accès à l'ordinateur à Al, toi? Non. Ah non, t'as pris ton cahier. Voilà. Ah, vous êtes prêts? On y va, vous mettez. Oui, ah vas-y là Faut t'en mettre pas mal là, hein. Vas-y, fais la maline. Je vais la remettre dans deux secondes. Ah, il faut en mettre beaucoup. Putain, hein, il faut en mettre beaucoup, hein. Ah, regarde, mettre beaucoup. Ça va. Non, il y en a pas assez. Attends, bah il y a un petit doigt, hein. Vas-y, fais-le, Jojo, fais-le. Allez, Jojo va le faire. Oh putain. Oh. Non, va doucement, va doucement, je filme. Là, c'est bon. Allez, c'est parti, chronomètre lancé. Allez, tu l'as fait ta rubrique, mec. Ça va arracher la gueule. Allez, vas-y. Allez, là. Savez-vous qui est Gandhi Juana? Non, je ne connais. Gandhi, je connais, mais Gandhi Juana, je connais pas. Gandhi, c'est un chanteur célèbre en plus. C'est pas lui qui. Non, c'est pas un mec qui fait du Panjabi, un truc comme ça en Inde? Non, c'est Maître Gims. Bah, il a bien fait de s'appeler Maître Gims. Hein. À fond, hein, ouais. Mais lui, il en a pas beaucoup. Maître Gims, je fais ma rubrique, hein, s'il te plaît, c'est bon? Bah oui, on fait. Vas-y. Maître Gims, il est fan de Skylanders. Vous savez, c'est quoi Skylanders? Non, c'est quoi? Je sais pas non plus, c'est un jeu avec des petits bonhommes là. Avec des. Je sais pas. Ouais, les Skylanders, c'est sur. Kevin, tu sais ce que c'est les Skylanders? Il sait ce que c'est, bah, expliquer que tu sais, bordel. Allez, Kevin! C'est des personnages dans un jeu vidéo là? Ouais. Ah bah oui, on parle de jeux vidéo, c'est normal. Mais c'est quoi aussi? Ça va, Alison? Je sais pas, c'est comme Pokémon ça, non? C'est pas vraiment comme Pokémon, mais. Non, je bois. Non? C'est Kevin qui sert à rien encore une fois. Alors ça va pour l'instant, vous tenez le coup là? Ouais, super. Bon, moi c'est bien. Alison, ça va? Alison a du mal quand même. Mm-hmm. Alison, elle fait avec son pouce, mais elle pleure. Mais bon, c'est pas très. Ça va, Alison? J'ai le coup. Ouais. Ça va, ça pique pour l'instant un petit peu ou pas? Lui, ça pique pas, il faut lui en rajouter au mec. C'est vrai que tu l'as mis que sur la gauche? Ouais. Allez, Romy, prends. Sur la droite. Non, mais. Ma gauche ou ta gauche? Bah, ta gauche. Là, oui. Ah. Ok. Vas-y. Voilà, là c'est bien. Là c'est Alison, bien. Alison, ça va? Alison, t'as vu, je triche pas. Hein. Alison, ça va? Alison, j'ai envie de mettre dans les narines hein, quand même. Vas-y. Tu tiens le coup? Alison a du mal. Alison, la tête qu'elle fait, on dirait qu'en train de jouer. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'en train de jouer. Bon, on peut continuer la rubrique à ouais, même. Vas-y, continue. Ça m'intéresse. Donc on parlait de Maître Gims, qui a bien fait de s'appeler Maître Gims en fait. Non, on parlait pas de ça, on parlait de Skylanders. Continue, voilà, Skylanders. Ah. Alors qu'est-ce qu'il dit à Skylanders? Et Maître Gims a prêté sa voix. T'as comment le pas? T'emmerdes, Alex! Bah alors, t'as l'air en colère? Maître Gims, il a prêté sa voix à un personnage de Skylanders. D'accord. Et il incarnera un pingouin. Bah, ça tombe bien. Okay, super. Truc. Alison se lève. Va-t-elle craquer? Non, elle va pas craquer. Assieds-toi, Alison. Voilà. T'as vu, moi, le movie, moi, t'as vu? Comment je les dresse? Et le jeu sortira le 13 octobre sur PS4, Xbox One, Wii U, PS3 et Wii Xbox U, 360. Wii U. C'est pareil, Wii U. Il dit Wii U. Wii U. C'est un U, c'est pas un. Oui, oui. Bini U. Bon, à la suite alors de ces infos. Je me baladais sur le net et j'ai vu que 75% des joueurs achèteraient FIFA que PES. Le nouveau mais là, ça, FIFA là, le nouveau là, il y a beaucoup de problèmes. dans la démo. C'est une démo. Ouais, mais il y a beaucoup de problèmes quoi. C'est une démo. Bah, justement, s'il y a des problèmes dans la démo. Pourquoi FIFA n'est pas encore sorti? C'est que la démo. C'est juste la démo. Bah, elle est nulle la démo. Bah, la démo, c'est une moitié du jeu. On vous dérange pas le couple? Ouais, ça va, tout va bien, ça se passe. Et toi? Ouais, mais s'il y a beaucoup de problèmes, c'est chiant. Bah, non, vu que c'est la moitié du jeu. C'est pas le jeu complet. Ça coupe, ça fait de la merde. Je serais post machin. Bon, j'ai pas de. Donc voilà. Et du coup, bah, vu que j'ai parlé du pourcentage de FIFA, je vais parler de la démo de FIFA aussi. Voilà. Que j'ai testé moi-même. Je l'ai pas testé moi encore. Moi je l'ai testé et j'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Alors tu vois, gars, je lui dis qu'il y a plein de problèmes, tout ça. Il dit non, t'inquiète, c'est la démo. Et là, il dit j'ai pas du tout aimé. Bah, j'ai pas du tout aimé, c'est niveau jouabilité. Ça se rapproche carrément de PES maintenant. Ah bah oui. Et ouais, PES, c'est de la merde. Oh la tête d'Alison. Elle pleure là bientôt. Oh, tu peux arrêter, Alison, hein. On va mettre ta vie en danger. Hein. Non. Mais pas ta vie en danger. T'as qu'à arrêter toi. Tu me connais. Lui ça lui brûle pas. Hein. Tu me connais. Lui ça lui brûle pas. Ça lui brûle pas. Ouais, je peux en remettre, hein, moi, pas de problème. Hein. Bah, je peux en remettre. Il a même pas mis un doigt dans le machin. Bah, dégage. Moi je le fais pas, moi je suis à l'aise. Allez, moi je te dis qu'il tous les deux. Vas-y, faut en même temps manger. Il va rien dire. Garly, allez, hop, allez, oh. Ça va. T'es en colère? Alison elle fait méchante en fait. Ah ouais. Colère. Ça pique hein. Elle vient vu méchante en fait. Abandonne. Abandonne. Abandonne. T'as qu'à abandonner toi. Non. Bah moi non plus. Tu me connais. Bah ouais, moi aussi. Bah voilà. Les mecs demain ils vont avoir un trou dans la lèvre. Non mais au moins là on s'est respecté. Et... là tu vas tomber dans les pommes. Ouais mais au moins je tomberai pas. Et donc la suite alors de ces infos là. Ben j'ai fini, j'ai parlé de la démo de FIFA. C'est tout. Bah écoute. Non mais il a bossé sa chronique. Ah c'est bien. Il a bossé ma chronique. Il a écrit sur son petit cahier. Hein non, il est grand le cahier. Qu'est-ce qui va pas dans FIFA alors du coup? Bah, la jouabilité, elle se rapproche trop de PES maintenant. C'est pas du tout pareil. Bah, et alors Toto Mani sera là. C'est de la merde. Toto Mani sera là, il adore PES. C'est. Bah, après, après, s'ils ont voulu copier sur PES, c'est qu'ils ont jugé que PES, ils avaient peut-être un bon. Non, c'est parce qu'il y a un nouveau... Ils avaient un bon gameplay et ils ont dit, tiens, pourquoi pas. Ils ont un nouveau développeur graphique et tout. Oh, du les coup, gameplay, il est moche. Ah ouais, mais là c'est pour les geeks. Non, mais attends, FIFA, moi je trouve que c'est carrément mieux, c'est niveau ambiance, niveau musique, niveau machin. Après, PES, niveau jeu, c'est carrément mieux. Si, niveau jeu. Mais si, t'es fou, si, quoi. Niveau jeu, carrément mieux, gros. Si. Et les autres, ils courent, on dirait ils ont une balle dans le cul. Après, c'est pas le PES de l'époque, où PES de l'époque, t'appuies sur carré, du milieu de terrain, t'avais le but. Ah, mais ça revient au même, quand les joueurs ils courent, on dirait ils ont une banane dans le cul. Non. Bah, si. Non. Alison, ça va? Non. Alison, va mal. Tu lâches? Là, elle me fait, là, elle me fait mon regard. Allez, son regard. Arrête. Allez. Tu lâches? Ouais. Ouais. Par contre, c'est merveilleux. Ici, on te donne des trucs pour te foutre dans la merde. Par contre, on a pas de serviette, donc tu te démerdes. Hein. Ouais. Faut partir à la salle de derrière. Pour pourquoi t'enlèves le micro? Parce que je me lève, j'ai mal au cul. Bah, tu sais que ça serait comme ça en fait. Elle est bête. Elle est con. Elle est blonde. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Tu peux arrêter, hein? J'arrête. T'arrêtes? J'arrête. Ah, allez, elle abandonne. Ouais. Bah, bravo. T'as tenu. Ah plein sur le micro et tout. Alors, par solidarité, je vais quand même faire le deuxième défi. Oh, mais quel suceur, lui. Mais alors, quel suceur. Ça y est, là, suce-boule. Les schmoules. Reste avec tout jusqu'à 23h. Alex, libre antenne, on est là. On bouge pas. On s'en rejoint avec Célia Gomez dans moins de 3 minutes. Reste avec nous. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. À 200 mètres, tournez à droite. Il faut vraiment que je trouve un garage. Allez sur idgarage.com. Pardon ? Sur idgarage.com, comparez les devis en ligne des garagistes près de chez vous. Lisez les notes et avis laissés par les clients et prenez rendez-vous sur Internet. Oh, très bien, merci. Vous avez oublié de tourner à droite. Oh, pardon. Idgarage.com, changez d'idée sur les garages. Conditions et détails de l'offre sur idgarage.com. Top raison numéro 4 d'être Sam ce soir. Ton compte en banque, tu sauveras. Allô, Monsieur Lartaud. Thierry Piquetou, votre banquier, il s'est passé quoi hier soir, Monsieur Lartaud? Moi, je sais. 240 euros par carte à 2h du matin, 150 euros à 4h et à 6h20, un billet d'avion pour le Bhoutan. Non, mais il y a erreur. Non, l'erreur, c'est de prendre un billet pour les antipodes quand on a une carte contre Piu-Piu, Monsieur Lartaud. Sauf que moi, c'est Sam. Lartaud, je l'ai ramené de soirée hier, il se réveille, je vous le passe. Mec, c'est pour toi. Je crois que c'est mort pour le Bhoutan. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mixplore. Quand les fantômes passent à l'attaque, qui est-ce qu'on appelle? SOS fantômes. Nouvelles armes. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester? Tu as les bras les plus longs. Nouvelle équipe. On est les chasseurs de fantômes. SOS fantômes en 3D. Il va se passer un truc énorme. Actuellement au cinéma. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Thank you. us again. And no war and anger was ever won. Put out the fire before igniting. Next time you're fighting, soirée, le son de Selena Gomez à l'instant en direct en jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Allez, bonne soirée en tout cas, merci d'être avec nous, passez la soirée. Bon courage à tous ceux qui partent travailler, bon courage à tous les routiers qui nous écoutent, vous êtes très nombreux en tout cas. Fait grave plaisir, on est là ensemble jusqu'à 23h, on bouge pas. Il y a Ben qui est avec nous ce soir. Oui, c'est moi. Il y a Jojo qui est avec nous également. Bien sûr. Il y a Jo qui est avec nous. Ouais. Il y a Aison également qui est avec nous. Ça va, vous êtes revenus de votre moutarde? Nickel. Moi je suis irrité à mort. C'est horrible. On s'en fout. T'es irrité à mort. Ah, mais ah ouais, irrité à mort. Bah, lui, cette lumière, quand même. Tu peux. Ah, tu me fais chier. Ouais, bah ça. Alors, Jojo qui nous a mis une belle veste. Comme hier. Casque, ouais, comme hier. Ouais, il m'a fait chier. Il est en mode YMC. En fait. Ouais, il est en mode. Il t'a mis un casque de chantier, une veste. T'as été chez le coiffeur toi aujourd'hui? Hein? Non. T'as été chez coiffeur? Non, je voyais le main. Pourquoi ça veut te foutre? Bon, restez avec nous. Et au fait, ouais, juste avant, je l'ai noté là sur la fiche. Parce qu'il s'est entraîné. Ouais. On va demander à Nicolas qui sait faire Jeff Panaclock. Il s'est entraîné. Tiens, on va prendre le micro de. De Ben, parce qu'on l'entend mieux. Ah, il s'est entraîné à faire Jeff Panaclock. Attention, préparez-vous, auditeurs, auditrices. Ah, tu veux voir mon cookie? Hein? Attends, faut se concentrer déjà. Hé, tu veux voir ma cookie? Alors, c'est rigolo. Il est content. Bienvenue. J'adore la nouvelle équipe de Radio Mixer. J'espère que je vais bien rigoler et vous faire rigoler. Ça ressemble à tout sauf à Jeff Panaclock. C'était la version low cost. C'est Jeff Panaclock en mode pervers le samedi soir, ouais. Ça fait trop ça. Bah en tout cas, c'est bien. Tu sais faire autre chose, Mickey, non? Tu m'avais dit. Bah si, toi, en 5 ans, tu nous as fait un panneau. Il sait pas faire Sarko. Ah si, Sarko aussi, Sarko. Ouais, si, Sarko. Je, c'est Sarko, allez, c'est Sarko. Sarko. Ouais, bah Jack, il est pas entraîné. Sarko. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Jack, il va chialer. Il est ému. Oh, toi, il a mis une moutarde. Hein. Oh. Passer en direct à la radio, c'est émouvant. Oh là là. Non mais parle dans le micro. Ah, attends, pas. Rien. Micro. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est pas question que j'ai peur de passer à la radio, mais ce que je comprends, c'est qu'il y en a qui se foutent de la gueule des autres et ça j'aime pas. Bah non, parce que c'est de l'imitation. Oh. C'est de l'imitation. Oh. C'est de l'imitation. Oh, il est pas... Bah heureusement. Ah, presque pas. Bon, reste avec nous jusqu'à 23h. On est là, c'est l'équipe de taré ici. T'as la mission au bout du rouleau, c'est bien ici, hein, évidemment. 21h, 23h, Alex Libre Antenne, merci d'être avec nous. On va se faire le vie de merde avec Joe. Oui, tout à fait. Ah, putain, oui, j'espère Joe. Que c'est des bonnes vies de merde. On t'écoute. Bah. Bon. On t'écoute, vie de merde. Alors, d'abord une petite question. Oui. Qui s'est déjà fait larguer ici autour de la table? Bah oui. Ouais. Voilà. Oui. Voilà. Et est-ce qu'on vous a sorti une raison bidon? Demande à Kevin. Kevin, tu t'es déjà fait larguer? Ouais. Et qu'est-ce qu'on t'a répondu, Kevin? On t'a dit quoi? Au bout du rouleau là. Voilà, quoi, plus de... Merci Kevin. Plus de sentiments. Plus de... Ah, okay. T'as le truc normal, t'as, quoi. T'as pleuré? Non. Je t'aime, mais je suis malheureux avec toi. Ouais. Non, c'est vrai, c'est des trucs comme ça en plus. Okay. Ouais, mais là, t'as de nouveau quelqu'un dans ta vie. Ouais, on rappelle qu'elle est soir dans le public. Ah, on dirait. Bah, est derrière Jo. Et c'est pas Jojo. Elle est pas derrière moi. Alors, je vous ai posé cette question, bah, ce soir, j'ai relevé un petit florilège des pires excuses quand on se fait larguer, en fait. D'accord. Ah ouais, complètement, vas-y. Voilà. Donc, bah, on va y aller, hein. Ah bah attends, excuse-moi, Alison, parce qu'elle rigole. Toi, pourquoi tu sais, fait penser à quelque chose? Je suis sûr qu'elle a dû plaquer des mecs en leur foutant des trucs de merde, elle. Vas-y, qu'est-ce que t'as claqué? Ah, déjà, on va pas au rendez-vous. Hein? Déjà, on va pas au rendez-vous. Ouais, t'as alors... déjà quitté des mecs ou pas, Alison? Ouais. Qu'est-ce que t'avais dit? T'as une petite bite. Non, j'ai pas dit ça. Non, non. Ah, mais tu l'as pensé. T'as dit non. Ouais. Non, j'avais dit, justement, celle-ci, je t'aime, mais je suis malheureuse avec toi. Je t'aime, mais je suis malheureuse avec toi. Donc voilà. Ouais, oh, c'est trop mignon. C'est... Oh. Ça faisait combien de temps que t'étais avec? Bon, 2 jours. 10 ans. Non, même pas une semaine encore. Une semaine, c'était un Martiniquais, j'ai rencontré un. Elle l'a aimé en une semaine. Je t'aime, mais ça colle c'est pas. N'importe ouais, ça, voilà. C'est du Allison du grand jeu. Ouais, du Allison, ça. Et Jo. Oui, moi. T'as déjà quitté quelqu'un? Oui, bien sûr. Qui ça? T'as fait comment? J'ai fait comment? Ça faisait combien de temps que t'étais avec? Ouais, ça faisait un mois ou deux, puis j'ai fait le mort. Puis à un moment donné, elle a compris, et puis bah ouais, c'est dégueulasse, mais bon, on l'a tous fait. Ce qui est dégueulasse, c'est de larguer quelqu'un par SMS. Ah ouais, ça c'est l'âge. Tonton Wally, il l'a fait aussi. Ça, je l'ai fait, moi. Ah, tu l'as déjà fait? Écoute, je n'ai marre de te voir, donc salut, oublie mon numéro. Bon, au pire, c'était sympa, t'envoies un mail. Game over. Game over. T'envoies à recommander. Ben, t'as fait comment, toi? De quoi? Non, bah Ben, j'ai jamais quitté quelqu'un parce que j'ai jamais eu quelqu'un. Atterris, Ben, atterris. Okay, bah, ces meufs, ils l'ont largué plutôt. Ouais. Je n'ai marre que tu me payes McDo. Il a dit, bon, demain on ira quick. Ah, t'as déjà quitté quelqu'un? Ouais, bah plusieurs fois. Hein? Plusieurs fois. T'as fait comment? Bah, je leur répondais plus. Ah, tu vois, je faisais le bâtard en fait. Genre, j'allais avec eux. Je l'ai baisé et je l'ai jarté. Oh, salaud. On l'a fait tous une fois dans et sa vie. Et payé McDo. Ça va, Alison? Je suis intéressé de. C'est toi, Alex. Non, mais le pire, c'est que les meufs, ils lui payaient le McDo, quoi. Hein? Les meufs, ils lui payaient le McDo. Bah, il a raison. Ça. Eh ben. C'est vrai, tu demandes à tes meufs de payer des McDo. Non, mais non. Bah après, ce qu'ils proposent, je vais pas dire non. Quel chien. Un McFleury. Tiens, je te paye une Cronenbourg. Un croix Saint-Père. Bon, allez, on continue vite. Allez, on y va. C'est quoi les phrases? Première phrase. Désolé, mais t'es vraiment trop moche. Ah ouais. Voilà. Ouais, bon. Ça, c'est le lendemain de boîte, quoi. Ouais. Est-ce que, d'ailleurs, en parlant de lendemain de boîte, vous avez déjà été surpris de lendemain de boîte? Oui. Ah, mon Dieu, Joshua a un truc à nous raconter. Non, juste surpris. Ouais, bah, c'est juste ça, ouais. Oh, non, t'es moche. Surpris de quoi? Bah, ça, t'es moche. Ah, ouais, mais bon, t'as su t'en contenter quand même. Bah, j'étais de dos. T'as fait ce que. Donc, t'as fait ce que t'avais à faire. Vous êtes jamais réveillé le lendemain d'une soirée après avoir couché avec quelqu'un et vous avez regretté? Bah, si. Non, pas moi. Non? Bah, si. Genre la meuf a été, tu croyais qu'elle était c'était Sharon Stone et bon après je savais que ça allait pas être la femme de ma vie, tu c'était Alison. Ah non. C'est comme ça qu'il est devenu meilleur ami. Non mais ouais, donc ouais, je savais que ça allait être la femme de ma nuit et pas de la femme de ma vie, donc après ouais. Oh, il l'a baisé dans la plage à Malo. T'as les dunes. Non, j'aime pas le sable dans le trou du cul. Ah, quelqu'un qui a baisé dans les dunes, c'est mon petit doigt qui dit. Ah ouais, bah oui, il y a deux dans le public, il baise dans les dunes. Il habite à 104. Ah, c'est beau la production. Attends, vas-y, tiens, mets lui un micro là. C'est beau la production. Et Teddy dans les dunes à 104. Ah les gros pervers. Ah ça va, j'étais jeune. Hein, j'avais 16 ans. Oh. Wow. Yeah. Et hashtag il a 21. Non, j'en ai 23. Ah, et donc t'avais baisé dans les dunes? Ouais, moi j'ai toujours peur de baiser dans le sable parce que j'ai peur que le sable il me gratte sur le gland. Tu sais, ça me fait mal. Non mais c'est vrai, ça peut faire mal. Ouais, ça ouais, bah c'est irritant. Plage, ouais, tu sais, c'est... Hein. Hein? Quand ton père il travaille pas, tu te planques ailleurs que chez toi, tu vois. D'accord. Donc tu prends un drap de plage et tu vas dans les dunes, tu vois. Ah ouais, ah ouais. Tu prends un drap de plage et tout. Ah nous c'est différent, là je suis dans la radio. Voyons. Nous c'est différent, là je suis dans la radio, donc y a pas de problème là-dessus. Mais non mais donc t'as baisé carrément la plage. Et ah ouais, c'est pas le jour où tu m'as dit que t'avais craché et tout en pleine gueule et tout. Oh. Il avait craché en pleine gueule. Ah puis pour s'essuyer là, un gros cam shot. Et non. Quand tu dis ça, ça va te faire plaisir, Alexis. On n'avait pas pris de mouchoir. Hein? On n'avait pas pris de mouchoir et j'avais seulement les cartes de visite des gars de Radio 6. Ah! T'as fait quoi, t'as raclé? C'est du ça, coup. Tu m'avais raconté, tu t'avais essuyé. Non, mais attends, par contre, fallait pas citer leur nom parce que je m'en retombais sur la gueule, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas moi, c'est Teddy. C'est Teddy qui l'a dit. Teddy. Mais... Producteur. Forever. Et un journal. Et donc, tu t'es essuyé avec les papiers d'une autre radio. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Bon, tant que c'est pas les notes, ça va. Bon, ça s'est bien passé, ça. En même temps, on a plus de cartes, nous. Hein. Ah, on a plus de cartes, on a jamais eu de cartes. Bon, voilà, tout est dit, en tout cas. La suite, Jojo. Alors, la suite. Navré, mais vous êtes viré. Hashtag, c'est nul. Tu dis ça, ouais. 9, tu tapes plus la 11. Ouais, vous êtes difficile quand même. C'est le top 10, c'est vraiment des gens qui ont. Ah, c'est vraiment, ouais, je suis vraiment trouvé ça sur internet. Hein. Bah, après, c'est du second degré. Hein. Ah ouais, oui, bah vas-y, dis l'autre degré alors. Il y a 2 semaines, t'étais beaucoup plus belle quand même. Ah, ouais, ah si, ouais, ouais, ça c'est ça méchant. Ouais. On va s'arrêter là parce que Strasbourg c'est vraiment loin. Ouais. Ça c'est pourri. Les relations à distance, vous avez déjà connu des relations à distance? Ouais. Ah, Kevin. Non, mais c'est. En fait, c'est les animateurs parce que lui, en fait, les auditeurs ils lèvent leur main. Mais, non, mais c'est les animateurs avant. Kevin, ils ont relation à distance. Ouais, bah écoute, j'ai bien envie d'entendre celui de. Attends, ouais, vas-y. Bah je pense que tout le monde a genre sur Abo, sur Boba, des trucs comme ça. Non, mais qu'est-ce qu'il dit lui? C'est quoi ça? Skyrock MSN. Bah alors, t'as déjà rencontré quelqu'un habité où? Paris, je crois. C'était Paris, Marseille. Oh, ça va, c'est pas trop loin à Paris. Marseille, ouais. Ah ouais, mais tu t'es vu qu'à la webcam là, sur MSN. Non, j'ai jamais vu. Tu sais que jamais vu. Tu sais que la chat roulette, ça compte pas. Hein? C'était peut-être des pervers ou quoi, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah ouais, toi t'es amoureux quoi. Voilà. Ah grave, tu vois. J'étais... Jojo. Non. Jamais relation, Alison. Le plus loin que ça a été, moi, c'est Guin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 10 km de la ville où on est. Voilà. Alison. Le plus loin, c'était Abil. Oh, ça va, c'est de côté de la Somme. C'est à quoi, une centaine de kilomètres? Ouais, mais bon. Voilà quoi. Après. Et donc, tu l'as déjà vu? Ouais. Mais c'était genre deux fois par mois, quoi, à peine. Mais après... Par contre, ce qui est pas mal d'une relation à distance, dis-moi pas le contraire, c'est que quand vous vous envoyez, baisez comme des chiens. C'est vrai, franchement. C'est vrai, c'est vrai. T'as dû te faire un retourner quand même. Bah écoute. Je sais pas, je dis ça, mais bon. Qui ça te dit rien, quoi? Parce que Teddy m'envoie des messages, genre, excuse-moi, Teddy m'a dit t'aurais dû fermer ta gueule. Non, je regarde, il m'envoie ça, non, il m'envoie. Les trucs, je peux pas le dire. Bon, bref, et si on vous dérange, dites-le. Hein. Toi, je t'emmerde. Toi. Jo, t'as déjà eu une relation à distance? Ouais. Avec une fille qui était de Ouattrelon. C'est vachement loin. Côté de Lille? Ouais. Oh, ça, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, mais bon, quand tu travailles, c'est compliqué. Ouais, donc tu l'as vu combien de fois? Ça a duré bien 6 mois. Hein. Ah, 6 mois? Et tu l'as vu combien de fois en 6 mois? En moyenne, on se voyait une fois par semaine. Ah ouais? Ah oui, pour moi c'est pas une relation. Bah ouais. Pour moi à distance, ça va, tu te vois une fois par mois. Pour moi c'est genre deux fois par mois. Quoi. Ah ouais. Là, c'est bien chaud, toi. Ouais. Ben. Ouais. C'est, ouais. Ben il est tombé amoureux de Lara Croft. Non, Ben c'est sa voisine, la distance le plus loin. Non, c'était à Boulogne. Oh, ça va. Oh, ça va. Putain, c'est pas loin. Ouais, carrément. Tu l'as vu combien de fois? Une nuit. Deux, trois fois. En combien de temps? En un mois et demi. Et pourquoi ça a cassé? Hein? Et pourquoi ça a cassé? Bah parce que la distance, je pouvais pas la baiser quand je voulais. Oh là, j'avais envie de tuer en 5 gars. Il se lâche un petit. Hein. T'as ma plus longue relation, c'est 3 mois. Et j'ai jamais vu la meuf. Jamais vu. Bon, j'étais gosse, hein, j'avais 12-13 ans. J'avais rencontré sur MSN, sur Skyrock à l'époque. C'était tête. Elle habitait du côté du Mans. Elle habitait à la Ferté-Bernard exactement. Et la plus récente? Hein? Et la plus récente? Ah non, j'ai eu qu'une fois. Non, bah après, bah, tu mûris, après tu fais plus attention à des conneries, mais. Mais non, ah ouais, c'est très intéressant. Hein. De quoi? Continue. Non, mais c'est tout. Et tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu. Non, j'ai jamais vu. En cam, oui. Ah, hein? En cam, ouais, bah, ouais, cam, cam. Sur Twitter. Elle t'a montré. Hein? T'a montré. N'importe quoi. Ouais, arrête. Non, je joue que non. Et toi, tu lui as montré. Mes parents m'avaient toujours dit à l'époque, mes parents m'avaient toujours dit non, ne montre jamais des trucs comme ça parce que on peut tomber sur des pervers. Non, ça, j'ai jamais montré ma top. Oh, bah, lui, à 12-13 ans, tu penses pas à ça. On y croit. Allez, 22h30. Bah, tiens, Nicolas, notre auditeur qui imite Jeff Panaclock, il a une relation à distance. Alors, moi, en fait, j'ai une relation à distance. J'ai connu une jeune femme, en fait, dans le sud de la France, dans un camping du côté de Cogolin, à l'Argentière. Cap d'Agde. Et cette femme. Voilà, Cogolin, dans l'Argentière, en fait, au camping l'Argentière, dans le sud de la France. Pas loin de Saint-Tropez. Ah ouais, chaud. Et cette femme, en fait, cette jeune femme, en fait, elle venait de Moyeau, en Normandie. D'accord. Je l'ai perdu, moi. Et donc, après, comme à chaque fois, on pose la question, bah, pourquoi, en fait, ça a cassé? Bah, ça a cassé, c'est que, en fait, j'ai tombé sur sa mère, que soi-disant, je la prenais en photo, toute nue, en train de faire des débats sexuels avec moi. Ah ouais. T'as fait des sextapes, quoi. Voilà. Tu les as, les photos? T'as couché avec? Non, t'as pas couché avec. Ah, si. Et elle s'appelait Anne-Laure. Anne-Laure. Ah. Bah, si Anne-Laure, elle nous écoute. Elle avait quel âge? 12 ans. 10 ans, elle sort de la scène. Elle rentre en 6ème. Elle avait quel âge? Vingtaine d'années. Non, mais t'entends pas. Parce que tu peux mettre... ah ouais. Il a connu en 2005. Connu, en fait, à l'époque, entre 2005 et 2007. D'accord. Ouais, mais ça ne dit pas l'âge. Ouais, 10 ans à peu près. Bah, tu savais à peu près quel âge elle avait. La moyenne. Elle est 40, 30, 20. Hein? Ah ouais, bah c'est ce que j'ai dit, ouais, une vingtaine d'années, ouais. Okay, une vingtaine d'années, ouais. Et toi, t'avais quel âge? Bah, 23 ans. Il avait quel âge? Je sais plus son âge. T'as quel âge là? Ah bah c'est ça, 23 ans, c'est ce que je dis. 23 ans, 23, ouais, ça va. Ouais, bon. Ouais, ça va. Ah, t'es amoureux, quoi. Hein? À fond dedans. À fond dedans. À fond dedans. À fond dedans. Voilà, c'est père. Dans quoi? Bon, voilà. Bon. Ah, dans Anne-Laure. J'avais des pics en ce moment-là. T'avais des cheveux? Mais juste, on est bon. J'avais des cheveux, alors on m'a appelé aussi la brosse à chiottes. Après, j'ai eu des pics. Moi, c'était moi hier, hein, donc ça change. J'ai eu des pics, après, on m'a appelé l'hérisson. Ah, il y a des éclairs. J'avais eu des beaux pics sans. Des beaux pics? Beaux pics? Ah ouais, des beaux pics, c'est ça que t'as dit, hein? Avec le sujet que je faisais, je mettais au moins 2 heures dans la salle de bain. Ça doit faire bizarre en vrai quand même. Tu mettais 2 heures dans la salle de bain, c'était pas que pour les cheveux alors. Enfin, pour m'occuper de tout. Alors qu'est-ce que t'en penses, Alison? Elle est belle dans les moyens matrices? Moi, c'est vrai. Est-ce que c'est ton style? Bah, dis-le, entre nous. Vas-y, je t'en. C'est ton style ou pas? Non. Bah ouais, franchement ouais. Et Jojo il te plaît? Non, je suis pas gay, je précise bien, je suis pas gay. Mais il est pas gay, Jojo. Il est pas gay. Et je vais lui niquer sa gueule à lui. On laisse moi Jojo tranquille. Jojo il est pas gay. Non mais lui va. Il est juste joyeux. J'allais le dire. Il est juste joyeux. Moi. Il est convivial. Voilà. Je suis très convivial. Bon, en ce moment il est plus con que vivial. Mais... Alors là, envoyez même moi pas de message de snap rien du week-end. Oh plaisante Jojo, on donc, t'aime. La suite alors du coup de cette dernière phrase, on t'écoute. Va-t'en, c'est pour ton bien. Oh ouais. Moi ouais. Ça fait un peu film d'amour ça. Ouais. Pars. Ça fera pour notre bien. Pars. Il ne retourne pas. Voilà. Bah non, c'est sûr. Attends. Hey, attends, c'est le petit mec que j'ai vu ce matin. C'est le mec qui dit à sa femme, chérie, tu vas pas me voir pendant 5 minutes. Elle me dit, bah pourquoi t'es parti faire les courses? Non, je vais t'enculer. On la connaît. On la connaît. Je l'ai sorti l'année dernière. Bon, ta gueule, toi. Allez, vas-y. L'année dernière, cette année. Allez, vas-y, Geoffrey. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Ouais, c'est bon, Laurence. Ah, mais dites-le que vous aimez pas Macron. Bah non, on aime pas du tout. Moi, je pensais que c'était vraiment vie de merde, quoi. Hier, j'ai été aux chiottes, il y a plus de papier cul, j'ai dû me torcher avec les doigts. Enfin, je sais pas, c'est une vie de merde, quoi. Je sais pas. Pourquoi? Et la suite? Merci Geoffrey. Voilà. C'était 22h37. Hashtag gratuit. On est là ensemble, on bouge pas. Et Ben, il est vraiment con. Hein. Il a marqué, connectez-vous sur la radio de 21h à 21h. Hashtag. Quel abord. C'est gros bordel. Et tu vas pas changer? Bah non, bah trop tard, c'est la fin maintenant. Ah bah ouais, c'est la fin. La fin justifie les moyens. Un McDo. Il y a pas un deuxième défi à faire après. Ouais, un deuxième défi. Un deuxième défi. Si. Mais vous avez le temps, vous savez, précis. Ouais. Bien quand ça chronique. On va le faire, ouais. Ça va être bon ça. Les infos insolites qui débarquent dans quelques instants. Reste avec nous, on fait Mike Perry pour la suite. The Ocean, on en dirait 22h37. Bonne nuit et bon courage pour tous ceux qui partent travailler. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air, like breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get. de son dance floor. Un max de son dance floor. Jeudi, 21h, 23h. Alex Librantel sur Radio Mix Floor. Allez, bonne soirée en tout cas, merci d'être avec nous. Mike Perry à l'instant, on est là ensemble, on bouge pas jusqu'à 23h. On est là avec. Tout le monde. J'allais l'appeler Bertrand, mais ouais, Ben, qui avec, Bertrand, ouais. Ben qui est avec nous. Il y a Jojo qui est avec nous, il y a Alison, il y a Jo qui est avec nous également. Ouais. On est là, on bouge pas. Dans quelques instants, il y a le défi pour eux deux. Voilà, ils vont manger des petits insectes. Voilà, dans quelques instants. Et avant ça, c'est la rubrique info insolite de Alison. Alison, on t'écoute. Alors. Alors, je sais pas si je vais bien la raconter parce que là, obligatoirement, il y a tous des mecs autour d'une table, donc ça 1, 2, 3. Il s'agit de la masturbation. Okay. Okay. On en parle demain. Hein. Maternité. Oh, maternité. Oh. Non, non, mais franchement, ce que je vais vous raconter, c'est, incroyable, exceptionnel. Non, non, mais justement, en fait, c'est une femme âgée de 30 ans qui est enceinte. Donc là, elle est accouchée, mais le souci, c'est qu'elle n'est pas arrivée à l'hôpital en temps et en heure. Ah. Donc elle a dû accoucher dans sa voiture. Ah merde. Ah. Donc voilà. Elle a appelé son mari d'urgence. Son mari est venu, sachant que c'est un pizza yo-yo, hein, son mari. Pizza donc, yo-yo. Ouais. Donc voilà. Donc rien à voir. Il connaît rien. Il connaît rien avec la maternité, je précise. Donc la femme aux abords était vraiment très très paniquée. Le tcho, ben. Il est sorti. Non, non, aussi. Non, il a sorti, mais il est né dans la voiture. Hein. Et ah. Le mari a pris son gosse et a coupé le cordon ombilical, ouais, voilà, avec ses dents. Ouais. Ah. Ils l'ont appelé avec Renault. Avec ses dents. Pourquoi Renault ? Merci pour cette info insolite, Alison. La suite ? Ils l'ont appelé Renault. Hein. Oh my god. C'est pour cette info parce qu'il avait un kangou. Et bien merci à tous les jeunes qui sont en train de manger à table, évidemment. Ouais. Qui boit également. Ah, ça doit être dégueulasse quand même. Ah, de couper avec les dents. Non, avec couper les dents. Après, j'imagine pas les dents du mec. Il doit avoir un petit peu de boyau en coincé, je crois. Un truc. Non, mais franchement, c'est il est venu avec non, sa... mais... son scooter. Je sais pas du tout, mais franchement, déjà respect pour l'homme, quoi. Couper l'ombilical avec ses dents. On peut pas le laisser penser comme ça. Je sais pas. Bah écoutez, après, quand il est trop tard, il est trop tard. Bah non, il est pas trop tard. Et moi j'ai une question, bref. On peut pas le laisser le cordon en fait. Bah si, tu peux normalement, mais tu sais, dans la panique, les gens ils font n'importe ouais, quoi. Ouais, voilà. Mais il a été sauvé le tcho donc. Ah bah c'est bien. Ouais, il va bien, tu l'as eu au téléphone. L'enfant, tu l'as eu. Ah bah il va bien, il est là-bas, calé dans la ZUP. Ouais. Oh, arrête toi. Ah non, c'est Ben. Bon, la suite des infos insolites. Et la suite des infos insolites, je vais toujours continuer avec de la glu. Une dame également qui tout de suite hein. 100% naturel. Non, une femme qui a la phobie des dentistes et qui colle ses dents avec de la glu. Oh putain. Oh. Ouais, donc ça colle pas ça. Non mais ses dents avec de la glu. Oh. Non mais toutes ses dents avec de la glu. Et à force de faire ça, bah, elle a dû se faire opérer et se mettre 6 dents en titane. En titane complètement. Donc à force je sais pas vous imaginez un petit peu le concept. J'aime déjà pas aller au dentiste mais ouais, non, déjà avec la fraise et tout. Mais bon, il y a un moment donné, il faut y aller quoi. Un peu la roulette moi. Elle a quand même dit ni clou ni vis. Je vous jure c'est vrai, quand je faisais mon émission ici il y a 2 ans, je faisais les dédits d'Alex tous les soirs 19h à 21h et j'ai dû aller chez le dentiste 3 fois de suite parce que quand tu vas chez le dentiste, tu sais pas quand tu reviens. Donc en fait, ils te mettent plusieurs rendez-vous. Et genre ils m'ont endormi. Te chienne, hein, non, attends, ils m'ont endormi une fois, m'ont endormi devant et je vous jure que c'est vrai parce qu'en fait j'avais rendez-vous le soir la semaine juste avant mon émission, j'avais rendez-vous à 5h30, mon émission c'était à 7h et une fois je vous jure que c'est vrai, j'ai dû annuler mon émission parce que t'étais anesthésié encore quoi. Ouais, j'étais anesthésié, je pouvais pas parler, je pouvais pas balancer correctement les lettres. T'as l'air con quand tu sors chez dentiste puis les gens viennent te parler. Excusez-moi, puis te mettre un truc avec du pour soi, du sang qui coule et tout, puis tu pues de la gueule après. Ouais. Tu pues le médoc, le truc. Ouais, là, ouais. Le gros produit là. Ouais. Moi j'avais, j'avais une dentiste, moi. je sais pas si vous trouvez ça normal. Hein. Je suis encore chez elle, hein. Mais quand mon père et tout, c'est vrai en plus, hein, c'est pas loin d'ici en plus. Quand mon père, il y a son chien, c'est pas normal. C'est pas normal, non. C'est pas hygiénique. Hein. Ah ouais, c'est vrai. J'ai déjà dit, oh, je c'est là derrière pas. Là. Non, c'est pas ici. Non, mais il y a son chien, c'est pas normal. Hein. Non. C'est dégueulasse. Elle fait vétérinaire ou. Non, elle fait pas vétérinaire. Mais vis-toi. Voilà, suite des infos insolites, Alison. C'est tout pour ce soir. Ils appellent ça bosser la chronique. Et j'en ai mis deux. Hein. Non, t'avais pas les motards aussi. Les motards. Il sait toute sa vie. Ouais, il sait toute sa vie. Les motards.

comme un chasseur, tu voudrais la battre. Mais t'auras du mal, la petite est maligne, elle va te débrouiller, ça y est, elle est là. Ses formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te débrouiller, ça y est, elle est là. Le son de Alonso à l'instant avec Binta, bienvenue tout le monde. On est en direct hein, jusqu'à 23h, on lâche rien, encore 10 petites minutes. Et puis demain, vous retrouverez évidemment Quentin au micro de l'émission numéro 1 pour faire la teuf chaque week-end sur Radio Mixer. C'est Play It Mix et demain, évidemment, à partir de 20h, je me suis trompé, avec DJ Sev aux commandes demain dès 20h. Et puis vous retrouverez samedi à partir de 21h également Play It Mix. Voilà, en tout cas, bonne soirée. Et puis samedi soir, n'oubliez pas, soirée Radio Mixer à l'Inox Club. Voilà, donc n'hésitez pas avec toute la team Radio Mixer, on sera là-bas. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça se passe du côté de Gravelines, c'est pas si loin en plus. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. L'entrée, c'est seulement 5€ après 1h, mais avant 1h, c'est gratos pour tout le monde. C'est pas cher. Donc voilà, en tout cas, Ben est toujours avec nous en direct. Ouais. Il y a Jo qui est avec nous en direct. Ouais. Il y a Jojo qui est avec nous. Bien sûr. Et la belle Alison qui est avec nous. Voilà, on est en direct évidemment. C'est l'heure du défi. Non. Non, de la libante. Voilà, maintenant le défi, non. Vous êtes tous connus. Il a plus le jingle. La moutarde. je crois que j'aurais pas dû être solidaire et te laisser te démerder. Ah, voilà. Alex, tu l'as plus le petit jingle. Non, je n'ai plus le petit jingle. Il y avait un jingle. Ouais, on va retourner le nouveau jingle, c'est pour ça. Depuis que avant le vendredi on faisait tout le temps des défis, du coup maintenant on va le faire tous les jeudis, les défis évidemment. Ouais. Dès jeudi prochain vous avez réservé déjà un gros défi. Pour tout le monde. Là, d'accord, on est nouveau, d'accord, ouais, c'est on nous. Accepte, mais on la semaine prochaine. C'est pour tout le monde, ouais. C'est pour tout le monde. Ça va, ça va. Y a pas d'échappatoire. Ouais. Tu peux me regarder, Jojo. Alors là, vous allez manger des grillons qui viennent de Thaïlande. T'es sérieux? Voilà. Il y a les petits yeux, les petites. Oui, bah oui, il y a les petits yeux, les petites. Ils vivent encore ou ils sont décédés? Ils sont décédés, hein. Il n'y a pas encore longtemps non plus. Faudrait le faire vivant une fois. Bah vas-y, mort, vas-y, vas-y, mort, vas-y. Ben, vas-y. Ah, là, voilà, jeudi prochain, grillon, vivant. Vivant, pour, Ben. Pour Ben, voilà. T'aurais dû fermer ta gueule. Vu que c'est petit, je vous en donne plusieurs. Bon, allez. Tout ce qui est petit. Donne, je vais le distribuer. Tout ce qui est petit, mignon. Et pourquoi il rigole, lui? Qui? Écoute-moi, bon, il chisse, mec. Kevin, tout ce qui est petit, là, tu as. Oh non, il fait un direct. Ça me concerne, direct. Ça. Est-ce que Jojo, tu peux commenter parce que je vais leur donner dans la oui, main. Alors là, actuellement, il se lève. Il passe derrière moi. Il rigole. Il leur distribue. Alors. Putain, c'est affreux. Enfin, là, t'as 30. Regarde, regarde, tu vois les petits yeux. Ah putain, il y en a plein. Ah, bordel. Parle dans le micro. Non. Kevin RD est en direct sur Facebook. Voilà. Voilà. Non. Allez, vas-y, Loulou. Oh, et peut-être là, aussi qu'il tire, lui. Donne-moi non, un peu. Oh, pas bête. Top, j'ai pas... Quand on regarde, il y a un peu de tout, il y a de la tête... Ah, et regarde les petits yeux et les petits machins, quoi. Ouais, c'est bon, on peut pas manger ça, ils ont des yeux. C'est bon, il y a la bouteille d'eau à côté. Mais si, mais c'est bon, t'inquiète, c'était grillé. C'est comestible. C'est comestible. Alors, on commence par Alison. Ouais, parce que... C'est elle qui avait perdu quand même. Donc bah oui, je tiens à le préciser. Alison, on commence par toi. Alison. Ouais, bah. Oh, vas-y. Alison. Quand tu vas, Alison. Vas-y, Alison. C'est pas Alison. Allez, t'as. Alison. On lui a donné Alison. 4-5 grillons dans la main. Fais gaffe, il y a les yeux. Non, non, tu l'as. Bah, non, pas, ouais. T'as pas le tout d'un coup la main. Non, mais. Ah, bah si. Ah, bah si. Allez. Comme ça, t'es débarrassé. Complètement timbre. C'est pas des M&M's. Bon, c'est des nuls. C'est des nuls. Ça existe plus, ça, des nuls. 3, 2, 1. Ah, aval, croque. Ça, c'est un truc qu'on doit pas lui dire souvent. T'avales, hein? Aval, non. Oui, t'avales. Aval, aval, aval, aval, aval, débarrasse-t'en, aval. Donne-lui un sac, Kevin, ou il fumait comme un con. Eh, elle va me donner. Bah, il va chercher un sac, je sais pas. Donne le téléphone à Jojo. Non, c'est mort. Jojo, prends le téléphone, il va chercher un sac. Y'a personne qui va chercher un sac, elle va vomir là, t'as vomi dans le studio. Mais si, elle dégueule pas, elle s'en fout. On enlève son cas. La gerboulade. La gerboulade. Un plat tout en grillon. Elle s'y puce, elle doit vomir ou rigoler. Hein, t'as pas tout pris. T'as pas tout pris. Hein. Allez, faut que tu prends tout. Hein. Allez, faut que tu prends tout. Allez, Allez. Mais croque aval, croque aval, aval, croque aval. Aval, croque. Croque aval. Au cas où, au cas où. Le vomi bag, le vomi bag. Le vomi bag. Bleh. La balle. Ouais, t'es bah, c'est bon, ça passe. La balle. La balle. Attends ta gueule en deux minutes. Toi. Et lui, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Moi, je tiens à préciser que j'ai gagné. Vomi en direct. Elle a vomi en direct. Premier vomi de l'année. Le premier vomi de l'année. Ah, dégage, enlève ton casque. Enlève ton casque, poulette. Je te débranche. Bon bah voilà, on l'a perdu. Allez, mais lui le micro pour qu'on l'entende. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Hein. Bah oui, bah j'ai vu. Merci. Non, ça passe pas. Non, ça se passe comme ça. Ça coince. Non, ça ressort. Attends. Ah, il y a des filets de bave et tout. Hein. C'est oh. Attends. On va pas attendre longtemps. Geoffrey, allez. Geoffrey, en plus, il gère, il va sentir l'odeur aussi de. Et hey, vous passez le sac à Geoffrey au cas où. Hein. On n'a qu'un plastique. Allez, Geoffrey. Allez, c'est parti, Geoffrey. Allez. Allez, Geoffrey, c'est parti. Et, il est concentré. Ah, il fait une sale gueule. Ah aussi. Il fait une sale gueule. Une sale gueule, hein. La grosse respiration. Ah, il fait une sale gueule. Ah, c'est pas bon, hein. Ah, oh, c'est dégueulasse. Imagine, tu manges gris. Mange-les, il y a les yeux et tout. Hein. Oh, oh. T'imagines, ils ont fait cuire les yeux avec. Oh. Griller les yeux. Oh là là là là. Ah, c'est horrible. Et c'est un goût à. Ça truc, a l'air, ouais. C'est dégueulasse. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Oh là ah. Là, c'est dégueulasse. T'as valé. Ça y est. Ah là là. Ah, il en a plein la langue. Ah. C'est dégueulasse. Ah. Oh. On peut l'applaudir bien fort, bien sûr. Bravo. Ah là là ça va être marrant avec Jojo. Ah, mais attends, ça va être Jojo. Bah, vas-y, donne. Ah, moi, jusqu'à. Bah, je t'en ai donné. Bah, je lui ai donné à elle, j'ai dit qu'elle avait pas tout mangé. ça me dérange pas parce que ça, on en mange souvent. Ça sert à rien de faire des comédies. Franchement, vous faites des comédies à la Wall Street. Allez, tout, hein, tout. Allez, tout, attention, une petite poignée. Allez, c'est parti pour Jojo. Une petite poignée, putain. Allez, on s'en fout, allez. Ça me dérange pas. Ouais, c'est bon, c'est comme l'apéro. Des cacahuètes. Il y a les yeux et tout, moi. Ouais, tais-toi. T'es délicieux. Je fais plus rien. C'est dégueulasse. Qui veut goûter d'ailleurs? Qui vient d'être. Ben. Non, j'en ai tellement mangé. La demoiselle dans le public. Non, moi je dis ça, c'est au tour de Kevin. Bah ouais, Kevin. Ouais, Kevin. Kevin, Kevin, c'est à nouveau aussi. C'est à nouveau aussi. Allez, Kevin, viens. Allez, Kevin. Je suis allergique. T'es allergique comme ma bite, ouais. Oh. Mais moi je dois dire le nom de la personne qui a gagné la bouée après. Je dis. Allez, viens Kevin. Non, je peux pas. Kevin. Allez, tu peux. Regarde-le. Vous savez que c'est plein de vitamines ce bras là. Ouais, bah. Mais viens ici. C'est mon plein de vitamines que ça pue la peste, quoi. Tu sais qu'il y a plein de trucs qui sont bons pour la santé, mais qui sont dégueulasses. Reste avec. Reste à côté de Allison. Tu reprends le micro d'Allison. Attends, je vais t'en donner. Voilà. Voilà. Non, c'est bon. En plus, j'avais pas donné beaucoup. Ouais, vas-y, ça va. Filmer les gens, ça va. Allez, hein. Voilà. Kevin est en train d'en manger. T'as la gueule. Déjà, il est rouge comme un boucher, lui. Attends. Oh. Ah, les yeux et tout. Oh, c'est bon que tu. Ça passe pas. Ah, ça, c'est bon, ouais, c'est bon. C'est bon, tout mon cul, ouais, bon. Hein. Il est où le sac? Il est où le sac? Regarde, c'est dégueulasse. Ah bah voilà, le petit défi façon ouais, c'est libre bon, antenne. C'est validé, c'est relevé. C'est validé, comme Bouba l'a dit, effectivement. Voilà, merci ouais, en tout cas. Moi j'ai déjà bouffé une grosse poignée, des petites poignées. Quoi. Ouais, ça va. Ah, c'est qui gagne dans ta t'as l'habitude d'en bouffer des trucs. Hein. Alors c'est... Attends, mais il faut expliquer que t'as fait un défi sur ton concours. On pas beaucoup de monde qui Ben, il nous fait des effets spéciaux. Je t'ai carotté. J'ai carotté. Il y a Kevin en train de pleurer derrière lui. Ah, on a perdu Kevin. Alison, là, ton Hermie, ça va? C'est un goût poivré quand même. Hein. Bah, oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est bon. Alors, tes impressions? Donc, c'est Dan Maxence qui a gagné. Ah, bah, c'est Fraal. Parce que, en plus, ah, bah, c'est le Fraal. Bah, ouais, bah, c'est nul. Je vais dire Erika alors. Erika. Non, parce qu'il voulait s'amuser avec son bec. Il a dit. Non, c'est parce qu'en Dan. Fait, sur le Facebook de Fred, il a fait gagner une bouée. Une bouée de. Elle est là, elle est en dessous. Ouais, j'ai de l'eau. La bouée. La bouée de Jojo. Donc tu l'as fait gagner sur ton Facebook. Il fallait juste commenter. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à rajouter un ami d'ailleurs sur Facebook. Il faut le garder là parce qu'il vient le récupérer ici. Bah ouais, voilà. C'est ça qu'à mettre chez moi. Voilà, déjà 23h dans toute la France. Oh, merci déjà. Bah oui, ça passe très vite. Ah ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. On s'en rejoint évidemment dès lundi, voilà. 21h avec dès lundi le retour des pervers aussi. Putain, j'ai envie de me raconter un petit coup le moment où il jouait le pervers là. Putain, j'ai vraiment kiffé. Oh, j'ai vraiment kiffé. T'as joué là. Ah, je viens. Ouais, attends, je sais plus si j'ai. Eh, t'as joué là. Eh, t'as joué là. Je sais plus si j'ai mon moment avec le. Dis-moi des trucs méchants. Ah ouais, je te mets les deux doigts dans le cul. Ah là, j'en ai mis 4. Là, je sais plus, j'ai. Attends. Ah, oui, merci. Vas-y. Encore. Alors, c'est Quentin que vous entendez, hein. Ah, je me suis calmé, vas-y. Ah. Ah, tu vas comme Léon, il est bien dur. Il est bien dur. Tape là sur mon clito. Ah, oui. Je suis en train de cracher sur ton clito, là. Et je vais jouer. Ah, oui. Et là, dis-moi des mots méchants qu'il voulait dire. Vas-y, une salope. Dis-moi des trucs méchants. Dis-moi des trucs méchants. T'as envie de faire baiser. T'es une salope. T'es une salope. Moi, j'aime bien, c'est quoi ? Oui, c'est une salope. Continue. Ouais, t'as envie de faire enculer, ouais. Ah ouais. Deux doigts dans le cul. Hein ? Avec deux doigts dans le cul. Ah oui, t'as mis deux doigts dans le cul. Oh, je suis en train de mouiller jusque mes fesses. Il y a Ben qui. Oui, c'est bon, ça. Ah, carrément. Ah voilà, c'était le pervers, évidemment. Vous pouvez réécouter d'ailleurs tout le canulaire évidemment de Bruno le pervers sur le YouTube de la radio. Si vous allez taper sur Alex Libre Antenne, c'est la chaîne YouTube officielle maintenant de la radio. Qu'est-ce qui se passe, Lisson? Moi, je voulais finir l'émission avec une petite dédicace. Ah ben vas-y complètement. Je remercie ma petite sœur de nous avoir écouté ce soir. Ah, attends, c'est moi ou quand t'as fait une dédicace, j'ai l'impression que tout le monde sautait. C'est BFM TV, c'est priorité au direct. Bah, ouais, mais non, c'est priorité. Bah oui, priorité. Voilà. T'as Lisson à quel âge ta sœur? À quel âge? Elle va avoir 17 ans. Elle est bonne, j'ai vu sa photo. Elle va avoir 17 ans. Ah, 17 ans, bah c'est pour Kevin. 17 ans, c'est pour Kev. Non, mais elle est casée, c'est mort, les mecs. Ah ouais, non. C'est ce qu'elle dit. Et si son mec le voit pas. Voilà. Et une dernière aussi à Anto qui vient de Nice, s'il nous écoute aussi ce soir, je pense qu'il nous écoute encore. Et il faut leur dédicace perso en fait. Ouais, voilà. Bah, moi, j'ai fait une dédicace à Jean-Marie, dédicace Jean-Pierre. À ma mère, dédicace à Jean-Marie à côté du 5 qui fait le kebab le samedi soir. Moi je fais un gros bisou à tous ceux qui m'ont dit lundi je t'écouterai pas parce qu'il y a l'amour est dans le pré. Ouais. Ah, et moi je fais un bisou à Chantal. T'as mis ton doigt dans ton trou de balle. Voilà. Et ça a fait mal. Qui veut une dédicace? Dédicace à Teddy. Voilà, dédicace. Teddy, il est en face. C'est par rapport à lui? Bah oui. Ouais. Bon, dédicace à Teddy. Vous aimez bien Teddy? Ça y est. Teddy, il a partagé un moment, partagé un souvenir Facebook, ça lançait un animateur chez lui, il avait fait une émission, le Before Dead Floor. C'était le Before Dead Floor? Ah bah ouais, c'était ça. Ah ouais, c'est pour ça. T'as repris son émission? Ah ouais, d'accord. C'est t'as repris son émission. Ben, un petit mot? Tu dédicaces? Bah, bisous à ma mère qui m'écoute. Dédicace au fils. Oui, à ta mère? Ouais. Ta mère, elle nous écoute. André. Ah, bonjour la maman de Ben. Bonjour maman. Bonjour, maman. La mère à Ben, elle s'appelle André. On elle paraît des pâtes, il a faim. Bonjour André. Voilà. Dédicace à André. Votre fils est toujours à l'ouest. À chaque fois, t'as la radio, t'écoutes? Ouais. Mignon. C'est mignon. Elle fait la vaisselle en écoutant la radio. Là, il va rentrer, il y a un charal qui l'attend dans le micro. Et genre, des fois, tu dis quoi par rapport à l'émission? Bah, que vous êtes malhonnête. Ça m'étonnerait, ça. C'est pas notre genre. Bordel de merde, c'est pas notre genre. Un tout petit peu. Jamais, on dit jamais de vulgarité. Bon, Ben, tu traites plus avec ces gens-là. Moi, j'aime pas, c'est pas fréquentable. Hein. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le PSG. J'ai envie de baiser. Bah, bravo. Rendez-vous demain à partir de 20h avec Quentin. Bonne soirée à tout le monde et rendez-vous lundi à partir de 21h. Ouais, je me suis demandé quoi. Rendez-vous à 21h pour la Libre Antenne et puis 20h pour le Before avec Kev, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, exactement. Et puis samedi pour la grande soirée Radio Explore à l'Inox Club. Ouais, ciao, bon ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai rien dit, allez-y. Attends, je peux expliquer un truc vite fait là. Il y a quelqu'un de ta famille qui écoute là, l'émission là? Normalement, non. Il est arrivé sur Calais. Attention, il y a un dossier. Il est arrivé sur Calais. Il y a un mois. Il ne buvait pas d'alcool. Exactement. Il a bu un verre. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs et auditrices, c'est que vendredi dernier, Jojo et moi-même, nous avons foutu la première cuite de sa vie à Mister Kev. Mister Kev. Oh, wow. Ouais. Et il ne buvait pas d'alcool, il sortait tous les soirs. Non, je bois que du non, coca. Je bois que du coca. Bon, après, on n'est pas très fier, il faut pas le faire dans la vie, évidemment. Non. L'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Bah, il est jamais avec moi, lui, par contre. Bah, parce que tu cherches mal. Voilà, mais ça, t'as bien aimé, hein, on t'a pas forcé, Kev. Hein. Non, j'espère bien, c'est lui qui a réclamé. Imaginez, le lendemain, on avait une prestation toute la journée. Je suis arrivé sur la prestation, il y avait de l'eau. On m'a dit, bah putain, il n'y a pas de vodka aujourd'hui. Bravo. Désolé, nous n'avons pas les moyens. C'est du propre, tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, bah, j'espère que tu seras un peu plus content à l'inox. Il y a déjà des ventes d'alcool. Bon, bref. À consommer, évidemment, avec modération. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous lundi, 21h, 23h, pour la libre antenne. Merci en tout cas à tout le public de s'être déplacé ce soir. Ouais, merci à vous, merci. Bravo, merci à tous. Amir, pour vous quitter, on dirait très bonne nuit à tous. Bon courage pour ceux qui taffent demain. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. Bon courage à tous les routiers. Et puis, on se quitte sur Amir. Ciao et à lundi, 21h. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tourne autour de toi, t'es la seule qui voit la beauté bien cachée derrière les visages. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là.